Vous suivez Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de mes multiples projets? Devenez Patreon! patreon.com/papacassette. Bonsoir à tous et bienvenue à l'épisode 148. Bon, bien. 148 lui-même. On est-tu correct, JF, sur le son? Oui, oui, oui. Tout est beau. On dirait que je m'entends pas. Je vais me mettre un. Ah ouais, je vais mettre un peu plus de volume. Donne-toi du jus. Plus du jus. Je m'en suis enlevé, moi je m'entends plus. Bon. Alors on salue Napkin Rice dans le chat. Pipi Cacapouel 69. On salue Mike Leclerc. Mike! Et puis, c'était l'arrivée du Grand Gazou ben oui. Avant que le show commence. En fait, c'est pour t'annoncer que j'avais tout trouvé les épisodes au complet des Pierres à feu sur Internet. Fait que j'ai tout ça sur mon Plex chez nous. C'est 6 saisons en Québécois. 6 saisons en Québécois. Il y a 2 épisodes en France, de France à France, je pense, dans saison 1. Ouais. Puis c'est des grosses saisons. Ils ont des genre de 38 épisodes par saison. C'était des longues saisons. Là. Ah ouais, hein, ouais. Ils produisaient en malade. Parce que tu sais, ils te répètent tellement le même background sans arrêt dans oui, le hein? disco. Fait que c'est tellement c'est facile à produire les Pierres à feu. Là. Mais là, ouais, on a vu l'arrivée du Grand Gazou. Là, fait que ça, c'est saison 6, épisode 7. Saison 6 de 6. Ouais, épisode 7. Ça arrive vraiment à la fin. C'est vraiment à la fin, ça. Je me souvenais pas que les Pierres à feu, vers la fin, ils sont comme riches, là, puis ils vont dans des genres de gros galas, puis ils sont habillés avec des soutes. Des galas? Ouais, je sais pas trop, ils vont dans des événements mondains, là, habillés propres. Ben, il y avait des soutes à queue à un moment donné. Des soutes à queue à Saint-Granit, là. puis il y a vraiment une queue sur le soute, là, tu sais, c'est comme, c'est très drôle. Puis le monde, il se pile sa queue. Des beaux moments de télévision. Donc, c'était le 17e bloc de pub original qu'on a ici chez Papa Cassette. C'est malade. Depuis le début. On continue. On se rend jusqu'à au moins 20. Puis après ça, je vais faire un burn-out. Ça n'était pas obligé d'en faire mais autant. J'aime tellement ça. Donner des... C'est soit ça où je reprends les anciens puis je change le bloc des pierres à feu. Parce que là, j'ai tellement d'accès à une grosse banque des pierres à feu. Ah ouais. Hein? Faut que je fasse de quoi avec ça aussi. Là. Comme on disait avant le show, on pourrait faire une soirée pierres à feu à un moment donné. Ou peut-être juste écouter les pierres à feu avec vous autres live. T'sais. Ça ou un bonus de play-by-play qu'on écoute les pierres à feu puis on commente en disant de la merde sur Saint-Granit. Puis le prolétariat. Exact. L'hostie mi-rock, lui et sa gestion. Notre affaire préférée, c'est parler du prolétariat. Ah oui, vraiment. Ah, on salue le monde dans le chat d'ailleurs. Puis, JF, peux-tu nous expliquer, pour commencer, parce qu'on m'en a parlé beaucoup aussi au CCJVQ en fin de semaine, ouais. Qu'est-ce qui se passe avec l'épisode audio? C'est que nos fichiers audio sont hébergés sur archive.org, qui est genre le Internet Archive. Qui est une genre de bibliothèque de médias d'Internet. Là. Et puis ça, c'est gratuit. Là. Ça marche par donation, un peu comme Wikipédia. Puis ils ont été victimes d'une attaque de DDoS de serveur, ce qui fait que ça a tout crashé leur serveur. Puis ils ont fait comme « Oh shit! » Genre, faut qu'on sécurise ça parce qu'on détient l'archivage de l'Internet, nous autres. Fait qu'il faut faire attention. Donc, ça fait 2 semaines que leur site est down. Là. Ouais, c'est ça, c'est long. Hein? C'est long, c'est long. C'est down encore. C'est encore. Tantôt, je suis allé voir, puis ça disait « Ah, oh, on est reparti Internet Archive en read-only. » Fait que là, ils testent, genre, voir si ça marche. Dans les prochains jours, ça devrait se régler là. Okay. Mais ça devient un peu complexe de genre se partir un hosting sur le site juste pour attendre une semaine ou deux là, fait que... Ah non, on fera pas ça là. Non, mais attendre. Vous pouvez l'écouter sur YouTube en audio si vous avez YouTube Premium, je pense. Tu peux comme fermer ton téléphone puis l'audio continue à jouer. Oui, parce que c'est ça qui est tannant avec YouTube, hein. Ouais. Mettons, je suis dans le boss, whatever, je peux pas faire autre chose. À moins que t'as YouTube Premium, il tente de faire ça, ce qui est vraiment con, mais en tout cas, faut que tu payes pour là. Ben, si vous avez rien de tout ça, allez sur YouTube en attendant. Ouais, vous êtes à la maison, mettez le YouTube. Des bons jeux de pierre à feu, pipi caca poil dans le chat. Hey, ils sont presque tous bons. On va en reparler tantôt. Il y en a qui sont très chers aussi. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Donc, on contrôle rien. C'est down encore. Ouais. On pense, selon ce que tu dis, que ça va revenir bientôt. Après moi, c'est une couple de jours max. Je peux pas croire que ça va être encore plus long que ça, là. On va se dire pour l'Halloween. Ouais, mettons, ça se prolonge, j'ai hosté sur mon serveur Young temporairement, puis on les redéplacera, je sais pas trop. Là. Ouais. Mais ouais, faut. C'est ça. On est victime du serveur, tu sais. C'est ça. Ben, les affaires qui arrivent, puis cet épisode-ci va aussi être dans les limbes audio. Puis là, tu sais, on explique ça au monde à l'audio qui nous écoute pas parce qu'il y a pas le fichier audio. Fait que... Non, mais c'est pas grave. Ils vont savoir, ça va être quoi le bug après. Non, on me l'a flagué assez rapidement comme hey, l'épisode ne marche pas. J'ai fait oh, tout est down. Genre, ah, moi aussi, genre 20 personnes. Là, soirée de podcast est down aussi. Là. Finalement, on avait sauté l'épisode parce qu'on n'avait pas assez de crew, mais anyway, on n'a pas le hosting. Fait que c'est correct. Là. Bon, ben donc, coudonc. C'est ça, on est à la merci de ces serveurs. Là. Fait que, écoutez, de toute façon, quand ça va revenir, vous allez le voir. Parce que là, quand les gens essayent de cliquer dessus dans Spotify, ouais. Là, quelque chose, ça dit « Vous avez pas accès ». Puis là, tout le monde était inquiet. Genre, j'ai-tu fait de quoi? Faut-tu que ton Patreon, tu es rendu payant? Non, non. Ah, on devrait, c'est-tu. Ouais, on devrait. 50 cents. En fait, Ouais, je pourrais les hoster sur Patreon temporairement, ces fichiers-là. Tu peux les mettre là, en audio direct, puis ils pourraient être accessibles. Je vais faire ça demain au pire. Ah. Je vais les mettre temporairement sur Patreon, gratuit pour tout le monde, puis quand il y aura le vrai hosting, on l'enlèvera. Là, ou... Qui sait, ça va peut-être donner en plus peut-être, le goût à des gens peut-être. De revenir à Patreon pour qu'on peinture les murs. C'est moi que je procède maintenant à la soirée du podcast. J'envoie plus le lien YouTube, j'envoie le lien de la page Patreon dans lequel il y a YouTube. Ouais. Personne ne donne de l'argent, mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave, faut que tu passes devant. Ben ouais, c'est ça. Tu le vois au moins qu'on a ça. Là. Exact. Bon, ben coudonc, fait que surveillez ça, les amis, ça va revenir. Sinon, deuxième chose, j'ai été très occupé vendredi dernier. J'avais deux choses à faire. J'avais parlé dans un épisode précédent du podcast La Technique Moneyball. Ouais. Donc, juste pour en rappeler vite, Moneyball est un film avec Brad Pitt qui utilise une technique pour booster les A's d'Oakland, dont il est le DG. Puis il n'y a pas une crise de scène, tu sais, il n'y a pas un budget, là, ils sont cassés, les A's d'Oakland, fait qu'ils essayent des checks, les stats, tu sais, comment maximiser tout ça. Fait que bref, il y a quelqu'un, j'aime pas dire un coach, là, parce qu'un coach, ça sonne colon, puis c'est pas bon, là. Mais non, c'est quelqu'un qui a une business, en fait, de formation pour les entreprises, tu sais. Un formateur. Exact, il fait des conférences. C'est ça, mais c'est un coach aussi, là. Ben, c'est un coach. Peut-être que tu dis pas coach de vie, t'es correct. Ouais, c'est ça. C'est un coach de business, en fait, si je peux dire. Et puis, il y a un livre, puis son podcast. C'est un influenceur de business. Ouais, ben, il est plus qu'un influenceur, là. Et comme il se déplace en entreprise pour faire des affaires, là. Tu sais, il est pas juste sur TikTok en train de te dire. Non, mais c'est pas ce que je voulais dire, mais ouais. Fait que voilà. Fait que bref, en tout cas, lui, son podcast qui s'appelle La Technique Moneyball, qui a pas vraiment rapport, en fait, avec ce qu'il fait comme podcast présentement, tu sais, je trouve, où est-ce qu'il fait juste recevoir des entrepreneurs, puis parler de business et puis de cheminement. Fait que c'est ça. Moi, j'aime beaucoup ce podcast-là parce qu'il reçoit vraiment des gens de toutes sortes de sphères et puis il y a des personnes bien inspirantes. Fait que j'ai écrit, voici mon background, tu sais, ça t'intéresse-tu? J'irais sur le show, ça serait cool. Puis il m'a répondu tout de suite, certainement. Cool, fait qu'on a enregistré ça vendredi dernier et puis ça s'est super bien passé. J'ai fait une petite publication sur ma page Facebook et Instagram pour montrer ça. Fait que c'était vraiment super sweet, ça coulait A1. Et cela sera disponible à la fin du mois de novembre ou début de décembre. Donc c'est certain que je vous tiens au courant de ça. Alors, vous écouterez ça. Fait que ça, c'était vendredi matin. À la sortie de ça, à 11h, je check mon téléphone. Puis là, on a une employée ici qui me poke, qui dit « Hey, 98.5 ont appelé, il faudrait que tu rappelles. » Fait que là, j'ai rappelé. Puis là, c'était Luc Ferrandez, puis Nathalie Normando qui ont le show l'après-midi, le vendredi après-midi. Puis là, ils m'ont dit « Hey, pourrais-tu venir sur le show? » Parce qu'il est sorti une étude en France qui parle que les joueurs de jeux vidéo, ils vont plus au cinéma que les autres. Ils font plus de sport que les autres. Ils font tout plus que les gens qui jouent pas à des jeux vidéo. C'est une très bizarre étude. Ben fait que là, ils voulaient quelqu'un dans le monde du jeu vidéo pour en parler. Fait que la recherchiste qui m'avait entendu l'été passé, parce que j'étais allé deux, trois fois l'été passé. Rivard, là, genre, J'ai oublié son nom, mais c'était le matin, puis je parlais de jeux vidéo. Puis à un moment donné, j'avais dit de quoi de même, je m'étais emporté. Puis j'avais dit, les joueurs de jeux vidéo, c'est pas juste des petits gros de sous-sol. Fait que là, ça avait résonné dans les oreilles de la recherchiste, puis là, c'est souvenu de moi. Fait que c'est pour ça qu'elle m'a posé. C'est hot, t'es la référence maintenant pour le gaming, là. Ben, dans les médias montréalais. Oui, mais tu sais, je me sens pas. J'ai le sentiment de. Le syndrome d'imposteur? Oui, exact. J'ai le syndrome d'imposteur un peu. Je peux pas dire que c'est moi qui est plus deep et vraiment pas dans les jeux vidéo chez les jeunes, puis tu sais, toutes ces affaires-là. Là. Non, mais t'es quand même une figure genre représentative des jeux vidéo d'ensemble. Genre, t'as un magasin, t'as un bar d'arcade, t'as un podcast. T'sais. Je connais du monde un peu partout, all around, en effet. Mais il y a bien du monde qui passe les portes de mes commerces aussi, qui c'est en jeux vidéo et tout ça. Fait que, en tout cas, bref, ça a bien été, mais il partait de loin, là, Ferrandez. Là. Si vous l'avez écouté, ça, c'est disponible, ce segment-là, sur le 98.5, le site web 98.5, dans la section rattrapage. Scroller, là, puis à un moment donné, vous allez tomber dessus, là, jeu vidéo. Ma mère m'a écrit « Hey, ton ami Dominique était au 98.5, j'ai envie de l'écouter. » J'ai dit « Ouais, je le sais. » Ah ouais, c'est ça. Il y a du monde qui écoute ça, pareil. J'étais nerveux, là. C'est pas n'importe qui, il y a beaucoup de codes d'écoute, là. C'est... Énormément, là, tu sais. C'est pas nos quelques milliards de... En tout cas, Puis, fait que j'arrive là, man. Ben là, ça faisait ma quatrième fois. Ouais, c'est direct dans le studio. Ces studios-là, GF, sont tellement hot. Ah, je capoterais tellement. Ah, il y a du cash là-dedans. C'est sûr, là. Downtown, là. J'ai passé en dessous de l'anneau de Sonic, là, le Chris d'anneau que vous payez avec vos taxes pour aller directement là. Et puis, c'est hot, là. Fait que j'ai encore même une petite place, mon petit verre d'eau, mon drain. Mais c'est ça, comme je disais, si vous l'avez écouté, Ferrandez partait de loin en tabarnak. C'est comme tout de suite en partant, il dit « Moi, j'ai un ami qui est allé en vacances. » Puis là, il est revenu, puis il m'a dit « Hey, j'ai joué à un jeu vidéo de course, là, puis je me suis rendu 3e mondial. » Puis là, il a mangé des pizzas là, tout le temps. Il y avait une grosse pile de pizzas à côté de lui. Il avait les yeux creux dans la tête, il était blanc. Là, il part avec ça, lui-là. Là, là je Chris, qu'est-ce que tu me dis? C'est toi qu'il faut que je combatte, là? Moi, je pensais qu'on venait jaser ensemble, les trois, là, tu sais. C'est comme, man, quel boomer! Tu sais, puis... Mais j'aime beaucoup Ferrandez, puis je suis d'accord avec lui sur bien ouais, mais, des choses. Mais quel commentaire déconnecté! Totalement déconnecté, ce monde-là, là. Puis l'autre, Nathalie était plus smooth, là, tu sais, plus ouverte, là, je dirais. Mais là, aucun de ces deux-là ont touché à des manettes, là. Il y a Blastman qui dit que c'est un concept de l'émission, c'est des opinions. Fait que ça fait du sens que Ferrandez, c'est de l'autre bord, puis... Ah, c'est sûr, c'est sûr. On va les mettre à l'écran, d'ailleurs. Mais c'est ça. Puis, tu sais, bon, un moment donné, Nathalie, on parlait, c'est plus là, elle dit, ah, les jeux, nous autres, on n'a pas le temps de jouer. On n'a pas le temps pour ça, hein, Luc? Nous autres, on check nos téléphones, on cherche des nouvelles. Tu sais, encore une fois, ça rabaissait. Ah, comme si c'était genre... Comme si c'était Colomb, là, les jeux vidéo, puis comme nous autres, si ils sont de temps, au-dessus mais, de mais ça. Que tu check ton... Qui est Twitter non-stop, c'est mieux, tu sais. Exactement. Chacun a ses passe-temps, à un moment donné, là aussi. Là. Totalement, man. Fait que, en tout cas, j'ai fait mon mieux. Puis, ouais, tu sais, c'est tout le temps après le lendemain matin, t'es dans la douche, tu dis, oh, c'est j'ai dit ça. J'ai dit ça, ouais. Live. Puis, live, c'est comme, Puis, il a dit, mais ça vient de où, ces préjugés-là? Parce que, ça vient de nous autres. C'est de ça que j'aurais dû répondre. Ouais. Mario m'a écrit dans le chat. Ça vient carrément de nous autres. Mais en tout cas, man, c'était pas évident, mais je suis content d'être allé. Puis, je suis quand même fier de ça aussi, je dois l'admettre. Et puis, grosse journée de médias. Fait que vous irez écouter ça. Merci à Blastman dans le chat qui dit que c'était une bonne intervention. Et puis, Mega Exhort qui est là. Kevin. Yo. Avec des bonhommes qui dansent. Je veux juste revenir très vite sur Pipi Cacapouelle dans le chat parce qu'on. qui demande s'il y a des bons jeux de Flintstones sur ouais. NES. Ils sont tous bons, les jeux de Flintstones, sur NES, Super NES et Game Boy. Mais pas les jeux du film. Faut dire, j'y ai jamais joué. Mais ça, c'est fait par LGN, je pense, ou Acclaim, ou c'est dégueulasse. Mais sinon, les deux Flintstones c'est au NES... C'est pas des jeux de la version animée, dans le fond, là? Ouais, du cartoon, oh, là, ouais. C'est ça. C'est des platformers. Anna Barbara. Fait que celui au NES, le deuxième, Surprise at Dinosaur Peak, qui doit être rendu à 1200$. C'est débile, là. Ça, c'est un des toughs, là. C'est un des Holy Grail. Au Game Boy, j'ai oublié le nom, il est super le fun. Je l'ai fait il y a pas si longtemps. Puis celui au Super NES, c'est comme un Mario Party... que tu roules des dés puis t'avances sur une carte. Cool. Mais il y a du platforming aussi, puis du hockey, puis du sport, toutes sortes d'affaires. Fait que je dois dire, c'est le seul que j'ai jamais poussé à fond, mais c'est intéressant. Alors, tout ce qui est Flintstones, Taito, sur les cassettes, c'est très bon. Puis j'ai pas d'idée sur d'autres jeux de Flintstones basé sur les cartoons qui seraient sortis au 64. Non, il y en a, à un moment donné, ça a arrêté. Parce que la mode des Flintstones a comme tombé probablement. Là, fait que... Hein? Comme là, il n'y a plus vraiment de nouveaux jeux de Simpsons qui sortent non plus. Tu sais, c'est... Ah ouais, c'est vrai. Hein, les... Y a-tu des jeux récents basés sur des cartoons tu sais, dans les dernières années? Ben ouais, Rick and Morty, Adventure Time. Il y en a plusieurs. Là. Ouais, j'écoute pas beaucoup de comics, là, mais il y en a. Ah, Kevin qui parle du jeu sur Super NES. Le plaisir n'est pas tellement là aujourd'hui. Le platforming est très basic. Bon, écoutons. Mais c'est un bel item à avoir dans sa collection, oui. Malgré tout. Fait que voilà. Sinon, en intro aussi, dernière chose, je le mets là parce que je veux pas l'inclure dans les questions, mais je voulais en parler. T'as vu, puis on peut aller sur le site web, l'annonce de la Analog 3D. Donc, tu peux aller sur le site de analog.co. Co. Et ben, enfin, attends, je l'ai ici. Tu veux mettre ces images-là après? Ah, ben, t'as mis ça en photo. Alors, mesdames et messieurs, deux, là, si le Analog est une compagnie qui font des consoles rétro. Ils font du bon stock. Ah, du stock de feu, là. Ils prennent les consoles vintage, puis ils remodélisent, puis ils les mettent à high performance. Là. Ils les réinventent, en fait, mais tout en respectant comme vous le voyez ici, le design de la chose là, quand même. Là. Ben, c'est pas vrai. La NES, c'est pas vraiment comme ça. Mais la 64, c'est... Puis la Sony 4, ça ressemble beaucoup. La Duo, c'est des consoles qui ressemblent beaucoup. Fait que bref, ils ont... Analog, c'est une compagnie qui ont commencé en faisant la Neo Geo. C'était modulé dans du bois. OK. Et c'était comme... On était ailleurs, là. Ça fait très longtemps. Ah, ouais. Après ça, ils ont fait NES, donc la Analog NT. Après ça, ils ont fait la Mini NT, qui est aussi la NES, mais version améliorée, si je peux dire. Ils ont fait la Super NT, donc une Super Nintendo. La Mega SG, donc une Genesis. Ils ont fait la Analog Pocket, qu'on a tellement parlé sans arrêt à Retrouve-vous et qu'on a tous et qui est absolument merveilleuse. Ils ont fait la Duo, qui lie tout le TurboGrafx 16, PC Engine, que ça soit carte ou CD. Et là, ils viennent... ils l'avaient déjà annoncé, mais là, ils en montrent plus présentement. C'est la 64. Donc, elle s'appelle la 3D. Et puis... moi, j'en avais déjà parlé un petit peu. Bien sûr, comme je rigole avec ça, puis je vais en parler plus tard, je suis pas fan du tout de la 64. Mais on voit là ici la machine en tant que telle. Mais ça, c'est plus compliqué à fabriquer. Puis la recherche et développement sur cette machine-là est beaucoup plus compliquée que les sprite-based consoles, tu sais, pixels 16 bits, là. Ouais, j'imagine, il y a plus de tech là-dedans, là. Ben, c'est ça. Il y a du 3D, puis il faut que ça marche. Fait que bref, ça a demandé... Les polygones aussi. Ça a demandé beaucoup plus longtemps. La blanche est malade. Ah, c'est merveilleux, ça. Ça a demandé énormément plus longtemps de recherche, puis c'est quand même un bon breakdown qu'ils aient réussi à faire ça, parce que là, un coup que c'est là-dedans, qu'est-ce qu'ils vont faire, tu sais, on peut se dire que les jeux plus récents peuvent peut-être s'en venir. Vu qu'ils développent déjà cette tech-là. Donc, c'est ça. Et puis là, c'est disponible en précommande, cette machine-là, mesdames et messieurs. Vous pouvez aller sur le analog.co, précommander votre 3D. Il en reste. Et puis... je me retiens tellement de la commande en ce moment. Là. C'est 260 tomates US. C'est ça qui me fait que je me retiens un peu en ce moment aussi. Ben là, c'est pas si cher que ça quand tu y penses. Non, c'est clair, là, mais... Mais faut que tu rajoutes les douanes et le shipping et bien sûr la conversion. Fait qu'attendez-vous à presque un 500$. Ouais, 500$ facile, là. Puis Analog font tout le temps des manettes avec 8BitDo. 8BitDo sont vraiment des maîtres aussi en fabrication de manettes, là. C'est des kings. C'est un 8BitDo que j'ai pour ma pocket, là. Ben oui. Comme genre de petite Super NES, là. Exact. On a tous ça. Ouais, c'est ça. Avec toutes nos consoles Analog, on a tous des 8BitDo. Puis là, ils n'ont pas refait le design original de la 64. Non, la manette de 64. C'est vrai. Tu vois, le petit le truc jaune, il n'est plus là, en fait. Ah non, c'est les boutons sont noirs, mais c'est que le tout le est design là. Conventionnel, mais ton joystick est rendu à gauche ou ce qu'il aurait dû être, mettons. Exactement. Là. C'est ce que ça aurait dû être à l'époque, dans le fond, pour que ça aille bien. J'aurais aimé quand même qu'ils refassent la manette originale. Ouais. Tu sais qu'ils vont en faire un après, là. Pour la mais pour le Z, la nostalgie, il est où, hein? Il est en dessous? Ben ça doit être un trigger. Ouais. Ils disent ça dans le texte, hein? Si tu remontes... Button. Ils disent plein. C'est de l'excellente radio. Oui, hein? Mais il n'y en avait pas une manette dans l'autre sens sur les photos plus haut. Ah, peut-être. On va voir là-dedans. C'est en bas, mais je vais remonter. C'est ça. Puis là, j'ai pas lu toute l'interface, toute la patente, là, mais il y a tous les specs et là-dessus. Les specs de la manette. Alors. Beaucoup, beaucoup de specs. Et puis, voilà. Alors, c'est beau, les amis. Là. Ça me donne. Je te jure, j'ai le goût ici. Avoir de l'argent illimité, je les aurais toutes, ces machines-là. J'ai pas pris la duo parce clair, que je ne vais pas me lancer dans la folie de devenir malade puis de me rééquiper en jeu. Ah, on en voit, il y a des triggers, là. En arrière, c'est le... Fait que le Z est là. Ben, il y avait le RL, là, aussi, sur les manettes de Sony 4, là. Ouais, Kev, dans le chat, il dit que les boutons correspondent à L2, les deux, RR2, ça va être le Z, Z, fait que tu prends le côté que ça te tente. OK, ça fait du sens. Exact. Ben oui, ça fait plein de sens. Puis bien sûr, cette manette-là serait utilisable avec n'importe quelle console et probablement PC. Ah, ben oui, c'est vrai, tu signes ça PC, tu peux... C'est Bluetooth, tu peux faire plein d'affaires avec ça. Ah, sur Amazon, on voit bien que Kevin est dit. Bon, ben voilà. Alors, je voulais en parler parce que moi, j'aime ça répandre les bonnes nouvelles de Analog. C'est tellement du beau stock. C'est beau. Inscrivez-vous au Patreon qu'on s'en achète tous les stocks d'Analog. On va tous les mettre là. On va tous jouer le live. Là. Ben oui, j'ai 4 ça, là. En plus. C'est malade. Moi et JF, on parle du décor un peu. On pourrait se faire un setup. On a des idées là, qui brew. On a commencé à travailler tranquillement. Là. Exact. Il suffisait de partir un Photoshop, puis enlever un background, mettre des couleurs, voir ce que ça donne. C'est ça. Pour donner une petite idée. Là. Ben, je le vois, le check. La planche comptoir partirait ici, puis elle s'en irait jusqu'où la fenêtre arrête. Fait que là, on a de la place pour une et peut-être deux télés. Là, le plywood serait là, on visserait ça sur le mur, puis là, on peut... Ou même pas. Ouais. On peut en visser une sur le mur, puis en déposer une. Bon, on met les consoles un petit peu, là, puis personne va voir ça. C'est pas grave, mais tu sais, ça va pour être nous beau. Autres, on va se faire un décor qui va être beau, même pour nous qui ne sera pas à l'écran, en fait. Là. Exact. Mais quand on fera nos, ça, nos photos être... floues d'avant chaud, on a oublié de la faire, d'ailleurs. Ah, si, j'ai oublié de la faire. C'est pas grave. Ah, ouais. Mais ouais, on aura un beau décor flou derrière nous autres. Puis tu sais, on peut mettre ce mur-là jaune, parce qu'on le voit pas anyway. Ouais, tu sais, ouais. Ça bleu, puis en tout cas. D'ailleurs, j'ai on vu... On fait des LED à terre, on fait de l'éclairage. Exact, exact, totalement. Cool. Puis d'ailleurs, pour tu sais, moi, j'utilise les couleurs bleu, un peu plus pâle, puis jaune, puis un peu noir aussi pour mes couleurs, pour le branding de Papa Cassette, tu sais. Puis là, moi, j'écoute Révolution. Et puis à Révolution, il y a des annonces de Rona Plus avec Norman Brathwaite. Ouais. C'est quand même cool. Tu vois, c'est Renault Dépôt, puis tout, là, il tombe, je suis pas mort, les gars. C'est tellement drôle qu'il ait pris tout le genre de fausse pub qui est mort, Norman Brathwaite sans arrêt sur Facebook, qui part en loop, de faire comme « Norman est pas mort, mais Renault Dépôt est mort, Renault a plus. » C'est malade. Mais c'est exactement les mêmes couleurs, fait que je trouvais ça beau. Mais c'est pas un peu les couleurs de Blockbuster aussi? Oui, bleu et jaune, là, en fait, là... En fait, c'est les couleurs du logo, là, du jeu. Là. Exact. Puis, c'est tout, man. Bon. Ça serait tout, déjà. Voilà. Genre, je te lève ma tasse Saint-Hubert. Ta tasse Saint-Hubert. Oui, c'est ma tasse Saint-Hubert. Fait que là, on s'en ira en collection. Collection. Puis, je me demande si je prendrais pas une bière. Ben, on toi, en plus, je peux le faire, JF, que là, aujourd'hui, c'est spécial, parce que toi aussi, on s'est dit, pourquoi est-ce que faudrait que JF, il nous montre ses affaires de collection, lui, avec? Même si c'est pas tant de la collection, puis c'est plus des achats de gaming irréguliers, en fait, là. Ouais, moi aussi, en fait, tu sais, la collection, même qu'il y en a pas si souvent. Mais je pourrais amener des trucs de ma collection pour en présenter aussi, que j'ai pas nécessairement acheté récemment, mais que j'ai depuis un bout, ça se ferait. Fait que là, en fait, mes achats physiques de la dernière année sont tous sur le PS5 parce que c'est ce que j'ai acheté quand on a conclu l'aventure de Rétro Nouveau. Je me suis acheté une PS5. Donc, je vais te présenter mes 4 jeux de PS5 d'homme de collection. Donc, n'importe quel. Donc, voilà, dans l'ordre que je les ai achetés, en fait, après avoir commandé ma PlayStation 5. Fait qu'on se prend des bonnes. Lagerbrow. C'est ça? Ouais, OK. OK, c'est des jeux que tu as achetés depuis que tu as le PS5. Ouais, depuis, mettons, le mois de mars, mettons. Là. OK. Premièrement, WWE 2K24, les 40 ans de WrestleMania. Ah, 40 ans déjà. Ouais, fait que le meilleur jeu de lutte sur le marché, toutes consoles confondues en ce moment. C'est un excellent jeu que j'ai mis beaucoup d'heures déjà dedans. Le genre de story mode, là, en fait, qui est... Pas story mode, mais tout le temps comme... Tu suis la carrière de quelqu'un dans ces jeux-là. Puis là-dedans, c'est on va revivre les grands moments de WrestleMania des 40 dernières années. Ah oui, t'en avais parlé à Rétro Nouveau. Je pense que j'avais parlé de 2023. OK. C'était genre les grands moments de la carrière de John Cena de l'autre avant. Mais lui, c'est vraiment genre, OK, Macho Man contre Hulk Hogan, Bret Hart contre Steve Austin. Les gros, gros moments, là. Puis c'est vraiment excellent. Donc, un très bon jeu de lutte si vous cherchez à vous procurer un jeu de lutte, celui-là, avec Cody Rhodes, champion actuel, sur le dessus. Du cover, je le stream des fois quand ça me tente, celui-là. Malade. Tu le streams sur Young Media? Sur Young Media, ouais. Parfait, à la maison. Deuxième jeu, MLB The Show. Tu vois qu'il y a comme une thématique jeu de sport, là. C'est ce que je vois, là. MLB The Show 24 avec notre excellent Vladimir Guerrero Jr. Sur le dessus, qui est probablement le jeu que j'ai mis le moins de temps, et j'attendais le plus, puis j'ai pas eu le temps de jouer tant que ça. Mais dans la lignée des excellents MLB The Show, là, vraiment un très, très bon jeu, là. Avec pas d'image en arrière pour vous montrer, là, mais c'est un excellent jeu de baseball. Encore une fois, je pense que c'est dans le meilleur jeu de baseball qui existe en ce moment. Là. Ils sont sur une bonne lancée là, de show. Très très bon, plusieurs modes de jeu, c'est vraiment un excellent titre. Ben, c'est la de show, c'est la franchise. C'est la franchise, puis je pense qu'elle est juste sur PlayStation d'ailleurs. Je pense que c'est une exclusivité de PlayStation, je me souviens bien. Ok. Fait qu'autant, tu sais, mode saison, mode carrière, mode GM, des modes de jeu de cartes, là, comme il y a dans les jeux de sport que je joue jamais parce que je comprends pas les stats quand ça marche. Ah, des cartes, comme des cartes à collectionner. Ouais, que tu ramasses des paquets de cartes, puis que là, t'as des joueurs premium, puis tu construis des équipes de fantasy avec Oui, mon gars, ça avec FIFA. FIFA, probablement, c'est tellement. Il achète ça à coût de 30$. Oh man, my c'est god. Malade, ok, je savais pas s'il y avait du DLC de même payant. Là, ouais, il y en a, là, pour avoir des gros joueurs. En fait, c'est comme de la loterie, c'est des paquets de cartes. C'est des loot box dans le fond que t'achètes là. Mais tu sais, c'est sûr que t'es un bon joueur dedans là, à 30$. Ouais, c'est comme dans la vraie vie, là, t'achètes un vrai paquet de cartes avec... un booster de Magic. Ouais, ils ont ça maintenant, même les cartes de hockey, là. T'es comme ok, on te garantit une carte de valeur de 5$ et plus dans un paquet, mettons. C'est là, ça, c'est ça. C'est débile, ça a changé beaucoup. Ah, disponible sur Xbox aussi sur le Game Pass. Bon ben voilà. Merci Corbin Dallas. Corbin Dallas! C'est dans le chat qui vient d'arriver ici. Blastman aussi. Bon, on se fait remettre à notre place. C'est vrai que je n'ai pas d'Xbox, donc voilà. Hey, un bison est dans le chat. Hey, salut. Il est drôle, un bison, parce qu'il est comme... C'est lui, le premier à répondre. C'est tout le temps le premier à répondre sur YouTube. Puis il fait juste dire « Hey, c'est bon, tout. Ouais, » c'est tellement... Puis la première fois qu'il a popé sur le groupe Facebook « Finir des cassettes », je pense, je ne l'ai pas admis. Parce que c'est quoi ça, c'est une image d'un bison, man. Il n'existe pas, ce gars-là. Fuck off, va faire du trouble. Wow. Mais en voyant popper un peu partout, je dis « OK, il existe. » Puis il est... Ouais, c'est pas ce payeur bison. Il est pas méchant, ça aurait pu être une bisoune. Oh! Oh là là, voilà. C'est peut-être un bison des prairies. référence aux pierres à feu. Là. De Saint-Granit. De Saint-Granit. C'est peut-être le grand boubou lui-même. Ah, le grand boubou, hein, faut que je... OK, faut que je... Il y a le grand gazou puis le grand c'est boubou. C'est vrai, le grand boubou. Ah, prochaine fois, je vais mettre ça, une affaire du grand boubou, ça va être malade. Troisième jeu, un autre excellent ici. Astrobot, que j'ai critiqué ici. Ah ben oui, c'est un bon achat. Ça. L'excellent Astrobot, là, donc, que j'ai pas encore terminé, je prends mon temps, c'est comme un petit candy. C'est tellement le fun, les tableaux sont le fun, tu prends ton temps, tu t'amuses là-dedans, t'as le gros sourire tout le long que tu joues à ça, là. Vas-tu le faire à 100%? Ah ouais, je vais le platiner. Celui au PSVR, je l'ai platiné au complet à 100%. C'est sûr que je le fais au complet, celui-là aussi. C'est tellement bon, tout est le fun à trouver. Même Kevin, dans le chat, capote. Ben oui, si. Gage de qualité. Toi, Kevin, il aime ça. Puis même que ça venait avec quelque chose là-dedans, ça venait avec un poster. De filles tout nues. Ouais, ou d'Astrobot, mais c'est comme un... De petits robots tout nus. C'est comme une bande dessinée, je sais pas le déchirer. Hein. Ouais, hein. Toute la valeur est là-dedans. C'est comme une BD d'Astrobot. On voit ça à l'écran, ouais. Puis l'autre côté, ben évidemment, le vaisseau. Ah, là. Le vaisseau qui est une PS5. Ce qui arrive vraiment plus souvent d'avoir des trucs de même dans les livrets là, de jeux, maintenant, c'est... Le moins on dépense, le mieux c'est là, pour reproduire. Ben, tu vois, c'est niaiseux parce que c'est souvent les petits jeux indie qui mettent un peu de stock pour faire plaisir aux gens puis dire ouais, merci. Ouais. Puis les gros jeux, tu sais, first party, c'est comme mettre argent. Alors qu'ils sont multimilliardaires. Hey, j'ai oublié de mettre les prix. 90$ pour tout ça. Pour chacun des jeux. Chacun des jeux. C'est cher. Ouais, puis en plus, les jeux en fait de MLB puis de lutte viennent que tu peux avoir des versions premium qui ont plus de stock, des DLC puis genre. Qui coûte 130$, plus tard, comme il a mené, ça va être beau. Là. Ouais. Puis tu sors des DLC sans arrêt aussi de lutte. Là. Il y a plein de packages qui n'arrêtent pas de sortir. Là. Package ECW, package Cody Rhodes, il y en a plein. Là. Package ECW. Package ECW, ça me le prend. Je pense qu'il y a genre Paul Heyman, puis CM Punk est là-dedans, puis une couple d'affaires. Là. Fait qu'il faudrait que je prenne ça. Là. Mais ouais. Ah, il faudrait, Jeff. Faudrait, je serais dû. T'as vraiment besoin de ça. Ouais, ça me prend des dépenses à trouver. Là. Je pensais que c'est. Pendant que ta piscine est fermée. Ah, elle est pas fermée encore, ils ont baisé. Ah, calice. Ben en même temps, il fait tellement chaud, tu peux te baigner. Là. Ouais, elle doit être à 50, là, mais c'est pas. Ah, ouais, hein. Bon. Il fait froid la nuit. Pas grave. Et dernièrement, NHL 25, donc pour poursuivre dans la ligne des jeux de sport sur PlayStation. C'est à peu près la seule raison pourquoi j'ai une PlayStation, c'est pour les jeux de sport, en fait, là, ouais. Les quelques exclusifs. C'est qui ça? Je sais pas. Le numéro 43 des Canucks, hey, ça va mal. C'est le capitaine des Canucks. On est... Je sais même pas c'est qui. Mais belle, c'est beau le saut rétro des Canucks. Quelqu'un nous le dira dans le chat, c'est qui le 43 des Canucks. J'ai un oui, gros, c'est gros, vrai. Gros blanc. Là. On n'a pas le temps de vérifier. J'ai commencé à le streamer d'ailleurs vendredi passé. Il n'y a pas eu d'épisode de la soirée du podcast parce que personne des gars était disponible. Fait que je suis allé live et j'ai dit « Hey, en remplacement de la soirée du podcast, JF joue à NHL. On commence la saison. » That's it. Fait que je me suis humilié en ma première game. Quinn Hughes. Quinn Hughes. Bon. Ah, c'est ça. Voilà. Donc, j'ai fait une première game de pratique et là, j'ai 5 games de jouer. Le Canadien qui est dans ma saison qui est maintenant 3-2-0. OK. Donc, 3 victoires, 2 défaites. Meilleur que le... Que le Canadien que actuellement. Le Canadien je me suis pas fait péter 7-2 non plus. Ah, j'ai écouté le match pas mal. Ben, j'ai été écouté. J'ai écouté au complet, mais en jouant à Zelda. Ouais, mais ouais. Je me levais à la tête pour les bons moments. Là. Ouais, je suis allé mettre... Donc, j'ai joué beaucoup de Zelda. Ça a parti. J'ai mis le pigeon à mon gars. Je suis revenu. C'était 2-0. Je suis un coudon. Ouais. Mais à 4-2, c'était bon, man. Ouais, ouais. Là, après le deuxième but de Suzuki, man, Canadien était on fire. Là, on était vraiment égal. Là. Puis là, j'étais allé faire mon pliage ou donner des fruits à mon gars. Je suis revenu, il y avait 5-2. Puis là, tout le monde s'est écrasé comme des larves. Ça, mais c'est un excellent jeu. Puis je stream ma saison au complet sur Twitch. OK. Parce que j'ai fait mon setup. Fait que maintenant, c'est facile. Juste mon ordi, je m'assis. Puis genre, je pars direct. Fait que je suis prêt à streamer. Donc... Vendredi, probablement, je vais faire un autre stream, puis je tombe live là, entre 7 et 8, dépendamment de la journée. Là, sur Young, sur Twitch, sur Young, on me rappelle. Le Twitch de Young Media, donc Y-O-I-N-K, Media en un mot. Il y a plein de monde. Des fois, je pop sur le Twitch à Fred pour vous dire salut, puis comme « Hey, by the way, suivez JF, là, personne ne sait je suis qui ou comment me trouver. » Ouais, il semble que ça. Vous voyez Young Media depuis des années là, au début. C'est ça, c'est moi. Là. S'il faut, je changerais ça pour JF Crump à un moment donné. Là. Ben, Jesus Crump. Jesus Crump. J'ai jamais utilisé ce briquet-là. Tu pourrais peut-être te rallier les conservateurs ou les Trumpistes derrière toi, là, quelque chose. Là. Non, NHL 25 qui est plus disponible sur les consoles Xbox, ni PS4. Xbox One et PS4. Xbox One, ni PS4, ni PC d'ailleurs. Ce qui est un. Ça me fait chier un peu, sinon j'aurais juste mon PC. Là. Ni Switch. Non, ni Switch. Mais ça ne l'a jamais été. Bon, ben, écoutons, merci Jean-François. Tu mérites une bonne bière pour avoir dépensé autant d'argent sur des jeux récents. Félicitations. Ouais, ben, c'est mon effort, là. C'est mes trucs que je joue de à temps partiel. Gamer de jeux de passe, c'est moi. C'est toi. Et d'autres choses, et de rétro et de VR. Moi, je joue à tout, là. Fait que... Exact. Ben, et du VR. Et du VR. Et du Pico 8. Pico 8. Et la Playdate. La Playdate, exact. Beaucoup d'arcades. Le iCade encore avec un vieux iPad. C'est vrai, hein? Le Dig Dug 2. On joue à Golden Tee. C'est tellement bon. Pipi Cacapouel dans le chat qui demande pas de Silent Hill 2. Pas ce soir, c'est, non. C'est pas... Toi, tu joues-tu à ça? J'ai joué dans le temps, là, mais je l'ai pas. Il est pas sur mon radar pour l'instant. J'ai pas assez de temps là, pour jouer à ces affaires-là. Les jeux d'horreur, d'ailleurs, me dérangent pas quand ils sont pas en VR. J'aime ça beaucoup. En VR, c'est trop immersif, ça me fuck le cerveau là. Exact, exact. Puis moi de mon côté, c'est sûr que c'est pas ma tasse de thé du tout. Alors, voilà. Cette semaine, j'ai eu un achievement de parent gamer avec Fiston, mon gars, 4 ans 10 mois. Ben probablement c'est rendu level 4 de Dig Dug 2. Mais on a fait une game de Golden Tee à deux ensemble, genre chacun un contre l'autre et ça a fini à plus 38 contre plus 45. C'est lui qui a gagné ou... Lui, non, moi j'ai eu plus 38, ah, genre, fait, mais on était proches. Vous étiez proches, là. Fait que j'ai très mal joué, puis lui a bien joué pour son âge. c'est quand même drôle, là. Ah. Merci à encourager notre industrie de JF. OK. C'est l'industrie de... Des AAA PS5, ah. Pas. I guess. Bon, ben, c'est à mon tour. Ah ben, t'avais fini. Ouais, je l'ai remis en ordre, là. Voilà. On s'en va dans le vrai stock, là. Donc, ben, c'est du vrai stock, toi, ici. Ouais, non, mais du gros stock. Là, je vais présenter une affaire. Je vais le présenter. Je vais le faire glisser à la caméra. Je parlais tantôt du CCJVQ. Alors, j'étais là. Et puis, il y a Denis Lessard, qui est super gentil, là, qui est un membre du CCJVQ, qui écoute le show, apparemment. Ouais, ça m'a dit quelque chose. Et puis, qui collectionne énormément le Switch, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il dit, Kev, là? Il sait pas papa qui recette avec ses vieilleries qui met du pain sur la table. Non, courageux. On paye le salaire à Kevin avec des jeux avec le gros budget, là. Vos salaires boostés, esti. À nos subventions, je vous paye vos salaires, esti. Ouais. faites donc d'autres choses. Fait que c'est ça, Denis qui était au CCJVQ, écoute le show. Denis est un gros collectionneur de jeux Switch et puis qui aime bien, il en finit plein aussi. Alors, ouais. Cool guy, très gentil. Puis, out of nowhere, il m'a donné un skate. Oh my God! Alors là, je vais glisser le dessus à l'écran. Je pense que c'est le spoiler à l'écran à l'autre petite caméra, mais c'est pas grave, vas-y. Ah ouais, c'est ça. Fait que là, il y a le grip tape qui est tout découpé comme ça en... Mais c'est beau. En genre de brique, là, je sais pas quoi. C'est la brique déphasée un peu, c'est... Exact. Beau. C'est beau. Puis au verso, ben en dessous, oh, wow. C'est comme un gros Game Boy comme ça. Hein? Alors, skate c'est shop. Écrit dessus Borderline Skate Shop. Alors, je me rappelle pas où est-ce qu'il a dit qu'il avait trouvé ça. Voyons, il dit, ouais, j'ai eu ça, j'ai eu plusieurs, je sais pas quoi. J'ai un petit peu oublié, excuse-moi, ça allait vraiment vite. Fait que il m'a donné ça de même. Il dit, ça fera de la déco pour le studio. Ben oui. Fait que certainement. Crime. Puis on a Jim Gendron dans le chat qui est un grand fan de Skater Die Baden-Rad qui a sûrement reconnu le jeu dans l'écran de Game Boy ici. Wow. Ben pour ceux-là qui écoutent en audio, il y a un gros Game Boy OG là, en dessous, oh, sur ouais. Fond bleu. Puis il y a une image de Skater Die Baden-Rad dans malade, le Game Boy. Ça. Fait que c'est très joli. C'est bien gentil de sa part. Bon, je vais checker ça tantôt. Alors, merci Denis, vraiment. ça. Fait que quand on va refaire le décor, on va y trouver une place. Puis on a plein de lore que j'aimerais qu'on mette dans le décor. Moi, on a les tomes. On a tous les livres des éditions de l'homme. On a encore des vieilles... Ça va prendre genre un empilage de pommes de plastique là, quelque part. Là, oui, un panier de pommes en plastique. Ouais, un panier de pommes, genre. Là. Puis on a des affaires de rétro nouveau aussi. Oui, du lore qui pourrait se poursuivre. Du lore qu'on peut ramener. Fait que ça, c'est vraiment... Faudrait aller ou en fait, je sais pas si Monsieur Neveu peut faire du vandalisme pour nous, genre nous piquer une pancarte de rue de la Verlochère. Ouais, hein, ouais, un icône, quelque chose, un memento. Ça serait malade, oui. Vers la chaîne. Des Doritos. Ah, s'ils nous écoutent, ben, ouais, ben oui, en effet, on pourrait mettre des sacs de Doritos en arrière. Là, mais si jamais il y a autre chose, là, ouais, vers la chaîne, pas trop gros, tu sais, ou nice, n'importe là. Quoi, là, ça serait très nice. Fait que voilà. Je le salue, il passe sur mes streams de NHL, monsieur. Ah oui, il participe, mon seigneur. Ouais, il descend en bas, man, dans la plèbe, pour aller voir ses disciples. Tous les prolétaires qui travaillent. Exact. Là, lui, ça. Il s'en va dans le peuple, tu sais. De son gros château avec ses grosses antennes paraboliques. Chief Langlois dans le chat. Est-ce que c'est dur pour vous, quand vous voyez un jeu, peu importe la console, de ne pas le prendre pour le mettre dans votre collection? Non. Ben, toi, non, JF. Moi, je dirais que c'est assez facile vu que j'ai coupé bien les affaires de ma collection. Puis là, on a acheté, je le dis en primeur ici, okay. on est en processus d'achat de probablement la plus grosse collection du Québec. Ouais. Là. Wow. Comme c'est incroyable. La personne veut garder l'anonymat, fait que je vais garder l'anonymat. Mais on est allé aujourd'hui faire un premier voyage et va falloir louer un truck pour un deuxième voyage parce que ça n'a pas d'allure. Donc, on va processer ça tranquillement chez Retro MTL. Mais là, je vais dire, dans ce cas-ci, puis je vais me garder des choses qui sont absolument incroyables. Mais il y a des choses là-dedans, man. La tête m'explose. Ah ouais, OK. Puis, Drette, ici, j'ai amené un petit hint. Là, c'est dans le segment collection, mais c'est pas à moi. Puis c'est pas acheté ni rien. Oh, shit! Alors, c'est une copie complète en boîte de Clay Fighters Culture Scott au Nintendo 64. Un beau protecteur de plastique ici. Alors, c'est une des choses qui sera en vente quand on sera rendu à process cela chez Retro MTL. OK, ça vient de ta grosse collection, ça? Oui, exact. La grosse collection, ce qu'on a ramené, est devant mon bureau là-bas. On va aller voir ça tantôt. Je te montrerai tantôt, c'est tout empilé. Et puis, cette chose-là, je n'ai même pas regardé, mais mes collègues parlaient de 6000 aujourd'hui. Fait que je pense que ce jeu-là, il vaut à peu près 6000 là, dans cet état-là. 6000? Oui. C'est pas si pire, là. Tu pourrais t'acheter j'ai ça, touché. Toi, JF. Oh, ouais. Ben, tu y as touché par-dessus. Ouais, j'ai le coin, je ne peux même pas saler la boîte de plastique. Fait que voilà, ça s'en vient, mais tout ça va être annoncé comme il faut, les amis, au fur et à mesure qu'on peut le faire. Puis moi, je vais bien sûr comme full agacer les gens avec ça. Mais au cours d'ici Noël, on va ajouter du stock. Et sachez par ailleurs que, bien sûr, Retro MTL fait toujours une vente du Black Friday à 20% de rabais. Et toutes ces belles, grandes, grosses choses-là seront en vente à ce moment-là. Fait que si ça va être un autre moment aussi, des fois, pour des gens de pull the trigger sur des affaires à 6000$. Je collectionne pas, mais genre, j'aime les arcades, puis je l'imagine chez nous. Puis je pense que mon vrai achat de collection qui s'en vient, c'est un Vectrex. J'aurais pas le choix. Ça m'en prend un chez nous, maintenant, là. Mm-hmm. Puis, je sais pas, il y a combien de jeux de Vectrex qui existent, là, mais ça doit pas être une immense collection. Très, t'aurais dû me le dire. On avait un ici avec une flashcard qui contient tous les jeux de Vectrex existants. Mais là, je collectionne ou je collectionne pas? Hein? Ouais, ça me prend les vrais ça jeux. Ça prend les vrais jeux. Moi, je le faisais, le set Vectrex, à un moment donné. Mais j'ai coupé ça. Là, mais j'avoue que juste l'avoir, la machine, c'est un achievement en tant que tel. Fait qu'une flashcard, ça marcherait, là. Ah ouais, c'est ça. Mais ben, j'aimerais ça, tu sais, pas. Quand on faisait Rétro Nouveau chez moi dans le sol, tu l'avais mis le tien sous mon bar, puis là c'est le IK qui a pris sa place là. Ouais. Mais c'est-tu que c'était beau là. C'est vrai, je l'avais mis là, hein. Ah ouais. Non, c'est un bel objet. Ah, c'est le fun pour vrai. Moi j'aime ça. C'est comme une arcade. Ah ouais, c'est ça. Ouais. C'est tellement beau une Vectrex. Ouais, c'est ça. S'il va y avoir du Game Boy là-dedans. Ben justement, Jim, bonne affaire que tu sois là. Il va en avoir un petit peu aujourd'hui. Ah. Du Game Boy. Pour la grosse collection, on va te dire, il est supposé en avoir. Mais c'est tellement petit. Le gars, il a des bacs partout chez eux. C'est insane. Pas. Alors, je l'ai pas vu, mais je pense que c'est un order de jeux vidéo. Et puis, bon, là, je vous présente de quoi que je vous parle depuis longtemps. Donc, livre de Pat Country Guide. Ah oui, on n'a pas mis le prix de skate. Ah, c'était gratuit. Alors, il n'y a pas de prix. J'avais pas le prix de. Ben, c'était gratuit, le skate. C'est un cadeau. Alors, c'est un Ultimate Guide pour la librairie de la Nintendo 64. On parle vraiment beaucoup de 64 aujourd'hui. Donc, c'est un livre de Pat Country, le troisième de la série, qui couvre la totalité de tous les jeux de la Nintendo 64 du monde entier. Donc, PAL, japonais, des périphériques weird, la 64DD, absolument tout. Donc, c'est disponible exclusivement au Canada chez Retro MTL. Ça, c'est la version standard. Il y a aussi la version... Wave Race. Oui, il y a Wave Race. On le voit pas. Il y a aussi la version spéciale avec une couverture embossée puis un back en arrière qui a un autre design. Qui est 120$ que j'ai oublié d'uploader le Ah ouais, c'est Overlay, ça. Je me suis trompé. Là. Non, tu n'avais pas à l'uploader. Je voulais juste me le mettre pour l'oublier. Je l'avais mis pour le changer, pour le mettre en même temps. Tu le disais, mais je ne l'ai pas. Je l'ai ah, pas. C'est pas grave. Fait que l'autre version est 120. Et sachez, chez RetroMTL, le shipping est gratuit pour les commandes de 100$ et plus. Alors, vous avez le shipping gratuit pour l'autre. Et puis, si vous achetez celui-là et demandez du shipping, sachez qu'on perd de l'argent. Mais c'est correct. On tient pas ces livres-là pour être millionnaire. On tient ces livres-là parce qu'on encourage Pat. Et puis, on aime bien le rayonnement que ça nous apporte. Et puis, c'est quand même très, très cool, là. Ça couvre tous les livres comme ça, avec les jeux, avec des critiques, il y a des captures d'écran, il y a des notes, il y a des gens qui participent, qui donnent des inputs, il y a des tonnes d'informations là-dedans. Même moi, ça c'est le mien, j'amène ça chez nous, j'ai déjà le NES et Super NES, mais ça va me permettre d'en découvrir plus sur la 64, parce que c'est pas parce que j'y joue pas que ça m'intéresse pas d'en apprendre plus les jeux de cette collection. De cette librairie. C'est pas une si mauvaise console, la 64. Ben c'est non. Juste qu'il y en a pas. Elle n'en a pas donné autant que la NES, la Super NES puis d'autres consoles, mais ça reste que. Il y avait du stock le fun pareil sur la 64. Là. Totalement. Alors maintenant, on s'en va en Nintendo Switch avec Iron Meat, viande de fer. Viande de métal. Iron Meat, ou de métal, là. Ça venait avec une petite carte comme ça. Malheureusement, on en a eu seulement genre 3 copies chez RetroMTL, je m'en suis gardé une. C'est un genre de jeu. C'est développé ça par RetroWare. J'en ai déjà parlé de RetroWare. Ils développent. C'est eux qui avaient fait Prison City, que j'avais parlé à RetroNouveau. Ouais. Puis qui font des jeux totalement fucky, man. Puis style NES et badass. Puis ils font le genre de jeu qui ressemble à Castlevania. Okay. Puis ils ont aussi pogné la licence de Toxic Crusader. Ah, fait ouais. Ils font des jeux all over fucky de même, mais bon, tu sais. Ben, j'ai pas joué aux autres, mais Prison City, c'était comme un Power Blade, puis c'était crissement bon. Ben, Iron Meat, c'est comme un contrat. Puis autre affaire, c'est comme un Castlevania. Fait qu'il paraît que c'est excellent, et puis c'est totalement disjoncté, tu sais, puis c'est con, c'est fou. Et puis, on en a eu très peu, ils se sont vendus à l'instant. Et puis ça va être ça serait un beau jeu de WEG. Hein. J'irai pas WEG cette année, mais tu joueras avec d'autres gens. Ben oui, je vais te faire honneur pendant que tu seras pas là. Ouais. Et puis, on va. Ce jeu-là est déjà rendu à 120$ sur eBay. Ah oh, ouais. Puis il vient de sortir. Là. Fait que on a essayé d'en avoir d'autres. C'est très limité. C'est published par Strictly Limited, d'ailleurs. qui me doivent encore des jeux. C'est tabarnak. Là. Qu'est-ce qu'ils attendent pour les faire, je sais pas. Ça fait 2 ans. C'est vrai. Mais en tout cas. Mais ils font les VGN aussi, en effet, pipi caca poil dans le chat. Voilà, très très cool. C'était 50$ en retail. Et puis, certainement que je vais jouer à ça, mes bons amis, et que je vous en parlerai. Très content d'avoir ça. Pour répondre à 007 GF dans le chat, il n'y a pas de traduction en français du livre, non. Tous ces livres-là sont rédigés par des Américains. Ouais. Alors, puis, tu sais, comme traduire ça, ça serait. Ben, ils sont encore à Lisbon. Les autres versions sont encore trouvables ou fallait tout précommander puis c'est tout sold out? Il y en a sur son site encore, mais là, vous allez payer, bien sûr, la totale avec le shipping, les douanes et tout ça. Mais si vous le voulez, il y en a encore un peu, je pense. On y a demandé d'en avoir, puis ils ne pouvaient pas nous en avoir. Ah ouais, OK. Fait que, parce que ça, c'est print en Chine, puis nous autres, c'est parti de la Chine pour venir directement chez nous. Okay. Fait que si on veut en commander de chez lui, étrangement, c'est plus cher, tu sais. Ouais, OK, parce qu'il faudrait que tu fasses un genre de batch de production, puis là, tu serais peut-être poigné avec. Si tu veux avoir... Ben, il en reste encore déjà des printed. Okay. Mais c'est, étrangement, ça coûte plus cher de les faire venir de San Diego. Ah ben, je pense que son entrepôt est à Détroit, au Michigan. Mais bref, tout ça coûte plus cher que de les faire venir directement en Chine. Fait que de la Chine... Coûte rien les bateaux. Exact, les bateaux chinois. c'est comme les chars électriques. Bon, là, on rentre dans du lourd. Oh, le gros stock. Là, on va faire plaisir à Jim Gendron dans le chat. Voici, mesdames et messieurs, une belle boîte de Mania. Qui n'est pas 29,99 du Zellers, malheureusement. Exact. Ce jeu-là est déballé, mais il y a encore dessus, comme vous pouvez le voir, le scellant. Ils ont semi galé le plastique. Il y a quelqu'un. Ouais, en arrière, il en manque un gros morceau, mais la personne a gardé ça. Fait que je vais garder le plastique parce qu'il y a un gros code-barre de plus en arrière et en avant. Il y a un prix du Zellers. Il liquidait ça à 30$. Puis là, vous voyez ici un autocollant Nintendo. New Release Nintendo. Ouais, ouais. Ben, il mettait ça sur les late release de Game Boy, entre autres, parce que la Game Boy Color était déjà sortie à cette époque-là. T'sais. Fait que là, c'est pour montrer, hey, c'est la nouvelle affaire. Et puis, voilà. Il y a également le logo Super Game Boy en haut. Là. Oui, parce qu'il l'était rendu là. Il faisait quasiment tout pour Enhance pour la Super Game Boy. Puis moi, je pense que ce 30$-là, c'est presque un prix de liquidation à ce moment-là. Fait que voilà, cette boîte-là est parfaite. Il y a juste un petit coin un peu fatigué. Ici, c'est pas grand-chose. J'arrive pas à vous le montrer. On le voit un petit peu. Fait que ça, c'est le dessus. Et le dedans, bien sûr, on peut voir ici le cart holder. L'inscription au Nintendo Power, comme il y en avait beaucoup. Comment utiliser un Game Boy. Le livret, qui est absolument parfait. J'ai bien de la misère à manipuler les choses en restant proche du micro, mesdames et messieurs. Ouais, ça, on ajoutera dans le prochain décor, là, quand on leur fera comment on place la caméra pour faciliter le maniement. Exact. Et puis, je vais déployer le petit poster ici qui montre d'un côté Play It Loud. Ah oui, c'était beaucoup ça. Ah, la campagne Play It Loud, La campagne Play It Loud de Game Boy. Des fois, on la voit dans les archives, dans les publicités d'avant-show. C'est vrai. Pub rétro. Et puis, voilà, donc la Super NES déjà et Tetris 2 et toutes ces grosses affaires. Alors, voilà. Donc, je considère que la valeur de ce boîte et livret et kit est environ de 200$. Dans ce prix-là, ça inclut pas la valeur du cart parce que je l'ai exclu parce qu'il n'y a pas de cart dedans. Mais c'est à ce prix-là que j'évalue ça. Donc, c'est très heureux d'avoir un beau petit jeu. Donc, prochain, un jeu de Nintendo que j'ai pris au CCJVQ aussi. Il s'agit de l'excellent Rainbow Island ici. Encore une fois, seulement boîte et livret. Donc, ça, c'est la suite de Bubble. Le cover a tellement pas rapport avec Bubble. C'est très enfantin, hein? Mais c'est la suite officielle ou c'est... Ben oui, puis ils ont même mis une bulle dessus et écrit Bubble Sequel. Parce que le monde qui voit ça, Rainbow Island, c'est comme « What the fuck, c'est ça, tu sais? » Fait que dans le temps, t'es plus... T'es plus dragon, t'es redevenu humain. Ah, c'est ça dans Bubble, t'es un humain qui est devenu un dragon? Oui. J'avais même pas réalisé que c'était ça. Ah ouais, wow! Exact. Puis là-dedans, tu lances des arcs-en-ciel à la place qui font des arches et puis t'écrases le monde de cette façon-là puis tu montes tout le temps vers le haut. Donc, c'est un jeu, moi, que j'aime beaucoup, pour vrai, que je trouve bon et qui s'avère quand même fucking tough. Ouais. Et puis, il y a des affaires cachées que t'as pas le choix de pogner pour avoir la vraie fin puis tout. C'est quand même hardcore, au final, cette affaire-là. Et puis, mais j'ai vu un vendeur là-bas, Brian, qui vend toutes ses affaires. Et puis, c'est pas à lui la grosse collection qu'on achète en passant. Okay. Et puis, il y avait ça, coin coupant, man, mint. C'est beau. Fait que c'est vraiment le côté ici, là, tu sais, c'est magnifique. Et puis, en dedans, il y a la sleeve avec le petit plastique d'origine. Wow. Ça, on aime toujours ça quand il y a ça, parce que c'est très hot. Et puis, le livret qui va avec ça. Alors, très beau livret, tout en couleur, avec la petite histoire ici et toute la patente. Ah ben. Alors, j'évalue tout ça à 200$ aussi. En fait, Brian, il l'avait affiché à 280. Sur Price Charting, le complet était à 300. Il l'a affiché à 280 et dit « Je peux te le faire à 260. » J'ai dit « Ben, garde le cart, il vaut 60$. » Fait que je t'achèterais ça 200$. Wow. Fait que j'ai donné 100$ de mon vrai argent. Et au CCJVQ, j'ai gagné un tirage au sort me donnait 100$. Okay. Fait que finalement, cela m'a coûté 100$. Très content. C'est bon. C'est très bon. Dernière chose pour ce soir. Oui. Il s'ajoute un nouveau jeu à ma collection Super Nintendo, mesdames et messieurs. Il s'agit de Lamborghini American Challenge. Une marde de Titus. Quand vous voyez le logo Titus, pensez marde. Et puis, bon, ils ont peut-être fait un bon jeu quelque part un moment donné. Une erreur. Ils en ont fait pas mal au Super Nintendo. Et il y en a quand même une coupe aussi sur Nintendo 64, dont ce jeu-là. Ce jeu-là existe sur la 64. Et puis, ça vaut 40$. Et puis, ça vient aussi d'un membre du CCJVQ. Moi, j'avais fait une publication. J'ai dit « Hey, guys, je vais être là au meeting. Si vous avez un de ces 5 jeux-là, puis il y a quelqu'un qui a sorti ça de sa collection puis qui a bien voulu me le vendre. » Alors, un de moins, JF. Ben oui. Ce qui nous amène à un total de... Je trouve, il est où le panneau? T'as-tu le panneau? De 717 jeux sur 721. Il m'en manque 4. Quand même. Et là, en primeur, je peux vous dire également que avec la grosse collection qu'on vient d'acheter... Ouais, je voulais te demander, là. Il va pas mal m'en manquer 2. Oh ouais. Mais là, je peux pas tout de suite les cocher là, parce qu'on n'a pas fait. Tu peux pas dire c'est lesquels non plus. Je peux pas dire c'est lesquels non plus. Fait que. J'espère pour toi qu'il y a packing time là-dedans parce que on le trouve jamais, t'avais dit. Là, ah, il est dur, packing time. Mais puis ça se peut qu'après ça, il va m'en rester juste deux. Puis après ça, j'ai quasiment envie de finir ça sur Lucky Games, genre, puis commander aux States, là, le double du prix, mais je m'en calisse. De finir, puis enlever un projet de ton backlog. Exactement. Hey, Kev qui s'en va. Salut, Kev. Merci pour ta participation. Ben oui. Alors voilà, mesdames et messieurs, ça avance, ce Full Set NES-là. Très, très, très heureux. Full Set Super NES. Oui. Excellent. J'ai chaud, hein? Fait chaud un petit peu. Fait chaud, je parle beaucoup. Température weird, là. Il fait fret, mais il fait chaud. Puis là, ah ouais, man, j'ai chaud dans ma maison. J'aurais dû venir en short le matin. Ben ouais, c'est frais, puis après ça, on crève l'après-midi. Avec mon gars, la garderie, c'est comme pas évident. Là. J'ai marqué, je t'habille comment, là, pour pas que t'ailles trop chaud, mais pas trop fret, puis... Ah ouais, hein? Quelle weird température. Là, on va pogner l'Halloween, il va faire moins 12 avec la neige. Ah ouais, il va neiger sur la tête des Halloween, des jeunes Halloween. Hein? Ce qui est très triste. L'Halloween. Alors, il n'y aura pas de critique aujourd'hui. Non. Parce que ni toi ni moi avons... Moi, je voulais critiquer Zelda. J'ai pas eu le temps de finir. C'est trop long. Puis moi, je voulais critiquer NHL 25. Puis finalement, vu que j'ai pas le PlayStation Online, là, je peux pas jouer online. Fait que je peux pas tout tester les features. Fait que je le critiquerai pas. C'est comme les autres années. C'est pas mal la même chose. C'est un... Ça fait une couple d'années que vous n'avez pas pris NHL, prenez-le. Ben oui. Quand est-ce que tu veux ton roster à jour, ben prends-le. C'est rendu là, c'est pas mal top pareil. Là. Il y a pas de feature groundbreaking, ils n'ont pas brisé le gameplay, ils n'ont pas tant amélioré de stock. C'est comme avant un peu. Là. Exact. Très dur à jouer encore, très technique. Là. Ah ouais, moi je suis pas capable. Il y a ben trop de pitons. Moi je suis allé live, genre première game de pratique que j'ai faite, que j'ai pas essayé avant, je me suis détruit genre 7-0. Là. En ligne contre... En ligne contre un ordi, genre tout seul. Là. Ah, contre un ordi? Ouais, pendant que je streamais. Là. Ok. Après ça, j'ai gagné. Y a-t-il d'autres projets avec le Super NES? Y a-t-il un autre projet avec le Super NES? Chief Langlois, ouais, qui demande dans le chat si j'ai un autre projet de Super NES. Non. Ben, écoute, dans la collection qu'on va acheter, il y a toutes les... Je pense qu'ils ont toutes les Not For Resale. OK. Il y a des Not For Resale de Super NES. C'est écrit en blanc et rouge dessus. Not For Resale. Ouais, ouais. Puis je me suis tout le temps tenu loin de ça parce que je me dis, ah, si je commence ça, est-ce que... M'a viré fou, tu sais. Mais là, ils sont tous là dans ma face d'un coup. Eh oui. J'ai comme la peau du gain. Là, c'est t'sais. Clair, là. Là, j'étais en train de monter un bill de 3000$, man, à diguer dans cette collection-là, je te jure. Mais ça, j'en ai quasiment envie. Ah, là. Ouais, là. Puis je pourrais m'acheter des protecteurs de cartouches Super NES, puis toutes les avoir à l'unité, je pense qu'il doit en avoir une dizaine, sur mon bureau, là, dans ma collection. Ouais. Tic. Ça serait beau. Ah, c'est que ça serait beau, man. En tout cas, on va voir. La Super NES, il n'y a pas eu d'autres versions de la Super NES? Il n'y a pas eu genre de ben, il y a la mini, console, là. Il y en a une petite version. Ah là, OK. Ouais. À ne pas confondre avec la SNES classique. Là. Ouais. C'est autre chose, là. Ça, c'est les nouvelles qu'ils ont faites, là. Mais quand on dit la SNES... En fait, je pense que la SNES Junior, son titre officiel. OK. Et puis, elle est un peu plus petite. Ouais, bon. Puis, c'est léger comme tout. Ouais, tu peux aller voir. Ah, on la voit. Ouais, c'est ça. Ah ouais, celle-là ici. C'est là. Celle-là. Donc, ah, t'as raison. C'est bien une SNES Junior. C'est joli. Ah, pas voilà. J'aime l'original quand même. Je trouve oui, look plus. L'original, ouais, c'est plus... Celle que j'ai chez nous, bien jaunie, là. Ouais, hein, ben ça, c'est le jaunissement. C'est pas parce que tu fumes, hein, les, non, non, je sais bien. J'ai pas fumé rien devant mes Super NES, là. Non, c'est ça. C'est le plastique, c'est le plastique, c'est le mélange de plastique qui est altéré avec le temps, ouais, puis qui réagit avec l'air. Les recettes de mélange de plastique qui ont changé d'usine en usine ou whatever, ah ouais, c'est, ça n'a pas tout le temps été le parfait, exact, même mélange. Ouais. C'est pour ça que toutes ces cassettes-là jaunissent, tu sais, puis qui changent, là. C'est bien désagréable, là. Non, après le Super NES, Chief Langlois, il n'y a plus rien. Là. Je ne fais plus de full set. Je continue à... Tu collectionnes par plaisir des petites affaires, mais pas de gros projets. Non, pas de gros projets. Là. Juste le Switch. J'ai vendu plein de jeux Switch en fin de semaine aussi. Je veux juste travailler là-dessus. Oui, King Nadera, on a parlé de l'analogue 3D en intro tantôt. Ah oui, on a parlé full. Tu pourrais réécouter le... Puis on a parlé aussi du livre 64. On a parlé beaucoup de 64. Bon, question du public. Oui. Mathieu Fautier sur Facebook qui me demandait suite à ma publication de la 64. Sûrement que tu l'as déjà expliqué par le passé, mais je suis curieux de savoir pourquoi tu n'es pas fan de la 64. À cause du passage de la 2D à la 3D, les manettes, les jeux, etc. Là, là, là. Fait que, ouais, c'est ça. Je rigole avec ça, là. Puis, rétro nouveau aussi. Là, bon, on a comme poursuivi le mythe longtemps que c'était une console de marde. Même chez nous, dans le décor, on l'avait mis super haut dans un petit coin comme un Easter egg. Là. C'était un Easter egg. Hein. Fait que ça fait partie du lore un peu, là, je pense, là, de notre vie de gamer. Là. Ben, à l'origine aussi, c'est que moi et Bruno, on était plus... ben, on avait joué, là, on a joué à la 64 comme tout le monde, tu sais, à l'époque. Mais moi, j'en ai jamais eu. Et ouais. Puis, c'est mes amis qui n'avaient eu. Puis Chris, moi, c'est que je trouvais pas de bons jeux, tu sais. Ouais, ouais. Là, j'ai joué à Mario, tu sais, OK, mais je trouvais ça dur, jouer dans le 3D, j'étais pas fan. Puis là, il y avait Wave Race, correct, tu sais, c'est beau, là, mais moi, ça me passionne pas. Le jeu de course, quand même, à la base, là. Exact. Puis il y avait Star Wars Shadow of the Empire, là, tu fais, ouh, là, t'attaches les pattes des trucs, puis là, t'es comme, yeah. Les AT-AT. Exact, puis là, tu mets les AT-AT, ah ouais, c'est ça. AT-AT, je sais pas quoi. AT-AT, ouais. Pis là, man, après ça, tu cours. À l'époque, c'était groundbreaking. Quand ça a sorti, t'es comme, oh mon Dieu, genre, en 3D. Mais c'était plate. J'étais correct, là. Ben, moi, j'avais pas de plaisir, tu sais. Pis j'ai eu du fun sur Star Wars à l'époque, là. Ah ouais, celui-là, précisément. Ouais, je me rappelle d'avoir joué pas mal, là. Ok, ok. Ben, j'ai joué beaucoup à Sonic 4 parce que mon frère est plus jeune de 5 ans. On a joué beaucoup à ça ensemble, là. Fait que c'est la console qu'on a probablement roulé le plus à deux, je dirais, là. C'était quoi tes jeux? GoldenEye, beaucoup. Mario Kart. GoldenEye, là, je pouvais quasiment jouer les yeux fermés. À la fin, demain, je le savais au complet. Là, j'en ai joué beaucoup, beaucoup. Ça, je dis Mario Kart, Mario Tennis. Tous les Mario Sport étaient super bons. Ça, c'est vrai. Ce Mario Tennis-là est excellent. Ouais. Wayne Gretzky 3D Hockey. Tu pourrais le critiquer, souvent. Ça, un moment donné. Oui, je pourrais, effectivement. Excitebike Sonic 4. Ouais, non, moins celui-là. Là. Ouais. Est-ce que je regarde les commentaires dans le chat? Mais ouais, c'est ça. Ben, Zelda, toi... Sonic 4, là aussi. Ouais, Ocarina of Time, toi, t'as... Moi, j'avais bien aimé dans le temps. Plus que... T'as plus joué à ça qu'à Link to the Past. Je pourrais pas dire, par exemple. Link to the Past, je l'ai fait beaucoup. Okay. Ouais, je l'ai refait aussi? Souvent. Oh, ouais. Ouais, moi aussi. J'étais fan de Link to the Past avant d'être fan de Ocarina of Time. Là. Ouais. No Mercy, ça, tous les jeux de lutte, les jeux de runnés, là. C'est... Ça, c'est vrai que la 64 avait des hosties de bons jeux de lutte. Tu sais, je suis parti genre... Des pires bas-fonds des jeux de lutte, genre Warzone, là, que c'est de la crise de dompe, là. Hostie, c'était dégueulasse, ce jeu-là, là. Mais ouais, No Mercy, il est le meilleur, là. Dans les jeux rétro, c'est le meilleur jeu de lutte, je pense, c'est No Mercy, là, encore à ce jour, là. Ouais, c'est considéré le plus plaisant. Probablement, là. Avec les Fire Pro Wrestling, à mon goût à moi, là, mettons, là. Oui, très bonne série, ça. Mais tantôt, on a vu dans les intros, là, on avait WCW Thunder ou N-Sonic 4, je pense, là, ou PS1, là, ça, c'était dégueulasse, là. Ah oui, je l'ai. Ouais, on l'a vu tantôt. Ouais, je l'ai vu dans les intros. Je pense que c'était au PS1, parce qu'il n'y a pas ça au 64. Ah, ça se peut, ok. Ouais. Je l'avais vu à l'ordi, moi, je pense, là. Mais c'est ça, pour y répondre, j'ai eu accès à la 64, puis à chaque fois que je me suis installé pour jouer à la 64 avec des gens, parce que j'en avais pas, j'ai jamais eu de plaisir. C'est pas plus compliqué que ça, j'avais pas de plaisir. Puis j'étais amateur de jeux de combat aussi à l'époque énormément, puis ouf, s'il y a une chose que la 64 maîtrise pas, c'est bien les hosties de jeux de combat et les RPG. Ouais. Man, puis moi j'étais Dreamcast PS1, là, tu sais, all the way. Fait que j'avais mon compte, là. Fait que non, la 64, j'ai complètement... À partir de là, mais j'ai décroché. T'étais-tu PS1 d'abord? Parce que c'était dans la même époque, je pense, PS1. Oui, j'étais full. Ben, full. Tu sais, encore une fois, j'ai acheté une PS1. Je pense que ça dépend. T'étais où? Jouer à Castlevania, Symphony of the Night. Moi, j'avais pas la PS1. J'étais au cégep, là. Ouais, j'avais pas PS1. J'avais Sonic 4, puis j'ai eu la PS1 par après. Je me suis acheté, puis je l'ai modé, puis j'ai rejoué des jeux, mais... Quand j'ai joué dans le temps, c'était la Sonic 4 qui était hot. Là. Fait que ouais, c'est ça. Ça vient beaucoup de la nostalgie, je pense. Puis oui, Chief Langlois, il dit qu'il fallait beaucoup tourner la caméra des jeux de Sonic 4. C'est ça qui est plus difficile à gérer, là, effectivement. Là. Ouais. Mario Sonic 4, c'est beaucoup de genre, OK, tourne la caméra, puis te replacer. Puis c'est ça. C'était les débuts du 3D. Il fallait qu'il essaye pour se péter à gueule, pour aboutir à ce qu'on a présentement. Là. Absolument. Puis moi, c'est pas ça que je blâme pas ces jeux-là. Oh non. Ouais, tu sais, on rigole. Là. C'est lettre, c'est foggy, whatever. Mais moi, des polygones partout. C'est là, ça. Des... Ça me dérange pas. Moi, c'est pas un enjeu, ça. Là. Si ça joue bien, ça joue bien. Ouais. J'ai pas eu de plaisir. Puis comme je disais, en effet, j'étais au cégep. Puis là, t'sais, en fait, la 64, je finissais le secondaire là, quand ça arrivait. Là, t'sais. Fait que là, je quittais mes amis, j'avais 17 ans, je m'en allais à Sherbrooke, tu sais, tout seul. J'ai amené mes affaires, puis tu sais, tes pantalons, puis c'est ça. Tes merelles à Sherbrooke. Puis j'avais pas d'argent, tu sais, fait que j'ai lâché le gaming moi pendant ces années-là, pendant mes études, tu sais. Puis je réalise que j'ai jamais été en amour avec aucune console de Nintendo depuis la Super NES jusqu'à la Switch. Parce que moi la 64, rien. GameCube, pff, Il n'était même pas question que j'explore ça. J'ai joué à rien là-dessus. Tu sais, la Wii, j'en ai acheté une, man. Je me suis dit, hey, je peux aller en ligne puis jouer à des vieux jeux NES. Finalement, la période du rétro qui t'a exact, là, okay. Exact. Puis finalement, j'ai acheté des jeux de Wii. J'en ai acheté plein. J'ai pas joué. La Wii U, je n'ai eu une. Je m'en calissais. La Switch, au début, j'ai comme, encore une autre affaire que je me calisse d'eux. Puis moi, franchises de Nintendo, j'y joue pas. Mais là, quand les indies sont tous garochés sur la Switch, là, moi, c'est ça. C'est un bon move, ça. Là. C'est ça. Fait que moi c'est ça. C'est super. NES, Super NES, Switch. Ben ça, après Sonic 4, moi aussi, je tombais dans un moment de ma vie où genre, je jouais pas à rien. Là. Je faisais de la lutte, puis je travaillais, puis j'étais à l'école, puis ça arrêtait plus là, ma vie. Fait que ce temps-là, tout ce que j'ai joué dans ces années-là, c'est Halo sur le Xbox original à 4 dans mon appart avec genre Dave et Alex puis notre chum. Genre. Exact. À boire de la bière, genre, puis à se coucher tard, puis à jouer à Halo à 4, c'était ça. Là. Totalement, totalement. Fait que voilà. Fait que ça répond. Mais on va continuer de niaiser la 64, ben oui. Mais on la respecte quand même. Bitmap, j'ai eu un message, un commentaire sur Facebook de François Rétro qui parle de la Bitmap Bureau Collection. Serais-tu capable de nous mettre ça à l'écran, ouais. JF? Puis après, pendant que tu fais ça, moi, je vais aller sortir un message ici pour le prochain commentaire. Bitmap Bureau Collection. Exact. C'est ça, ça? Bitmap Bureau. Oui, c'est ça. Alors, ce qui arrive avec ça, c'est que Bitmap Bureau est un développeur qui ont fait des jeux que j'ai bien aimé. On a aussi la collection. Puis là, ouais, c'est ça. Ils ont fait l'excellent Xenocrisis. L'excellent Xenocrisis, qui est comme un top-down shooter. C'est un twin-stick shooter top-down. OK. Et puis, c'était un jeu, ça, difficile à acheter au départ. C'est comme Smash TV. C'est comme Smash TV. Oui. C'est un Smash TV. Fait qu'ils ont fait ça, mais c'est tout Alien, Gory, machin. Wow. C'est quoi l'autre style, ça? Ça, c'est Xenocrisis. OK. Et puis, c'est très bon. Fred en avait parlé à Rétro Nouveau. Check-moi ça. Ouais, c'est le boss du premier niveau, ça. Wow. Il en avait parlé à Rétro Nouveau. J'en avais parlé aussi. J'ai la version Switch. J'avais acheté ça à l'époque. Ça vaut super cher. Et puis, ils l'ont fait au Genesis. Pour ça que Fred en avait parlé et tout. Donc, excellent jeu. Ouais, ouais, ouais. Là, on voit des screenshots de Final Vendetta, qui est un Final Fight beat'em up qu'ils ont fait. Et il y a aussi Battle Axe. C'est bien ça, Battle Axe? Clique donc sur le title screen. Oh là, Deluxe, c'est un game, ils disent ici. Battle Axe, ouais. Oui, c'est ça, Battle Axe, qui est un genre de gauntlet qui joue à 3. Donc, c'est 3 excellents jeux, vraiment, que cette compagnie-là ont fait. Et là, ils ont fait une compilation qu'ils ont toutes mis dessus. Alors, c'est la Bitmap Bureau Collection. Alors, garochez-vous là-dessus, les amis, c'est du bon stock. Ça me fait penser à la Doinksoft Collection qui vient de sortir, que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Je l'avais avec ici dans la section dedans, là, collection. Puis, non, c'était avec Gato Roboto. Ah, Gato Roboto. L'autre jeu... voyons. J'ai tellement des blancs de mémoire à cette heure-là. Gunbrella, que je voulais essayer. Ah, oui, et oui, puis oui. L'autre jeu... top-down qui est physical only. Demon Trouble. Demon Trouble, ouais. Voilà. Exact. Donc, c'est très hot, ces petites business-là, ces petits studios-là qui font des compilations de leurs excellents jeux disponibles pour tous. Alors, c'est fantastique. Allez checker ça. Et puis, merci beaucoup de m'avoir fait flasher là-dessus. Je possède déjà les 3 jeux physiques, mais pour nos auditeurs, ben oui, c'est ben du candy. Alors, autre chose de Mikael Goulès. Un autre professeur. Le professeur. Il dit au dernier show, puis vous l'avez pas entendu parce que la version audio est pas disponible, mais il faut l'entendre sur YouTube. Ouais. J'ai répondu, ben voici ce qu'il me dit. Voilà, il m'a écrit en privé. Voilà, tu m'as eu. Je m'étais dit, s'il répond à ma question sur ta vidéo de nettoyage, et je l'ai fait au dernier show, je deviens Patreon. Fait que là, il dit, le CPA, professeur de la fonction publique, t'offre le 3 US qu'il offrait auparavant à Arcane Moissa. Malheureusement, Arcane Moissa, avec tout le shit avec le McFly, a arrêté de produire du contenu. Te voilà à présent récipiendaire de ce 3 US par mois. Fait que moi, j'ai répondu, hey, merci grandement, c'est rien pour un prof, mais pour nous, c'est immense. Comme si les profs étaient surpayés. Fait qu'il n'est pas prof, mais on va continuer à dire qu'il l'est. Mais je voulais lire son message parce que c'était quand même cool. Là. On a répondu à son affaire. Puis là, ben, il nous encourage. Et puis, c'est pas une flèche ça, envers Arcane Moissa en passant. Ben je viens en lisant ça, je me rends compte, shit, je l'ai-tu mis dans l'embarras? Mais anyway, André de Arcane Moissoy qui a ouvert le Vox à Québec, c'est un gars que j'admire, que j'encourage, puis qu'on se parle, puis on est en bon terme, puis lâche pas, man, tu fais de la bonne job, alors voilà. Donc ça, c'est très drôle. Dernier commentaire. Ah ouais, faut aller sur YouTube. Ah, faut que j'y aille. Il y a un commentaire sur YouTube, hein? Ouais, je voulais en parler, en fait, sur. Là, faut que j'y aille, un peu. Encore une fois, on fait de l'excellente radio en ce moment. Exact. Mais c'est pas grave, ils nous entendent pas en audio, on est down. Fait que on est juste vidéo. Donc, c'est l'épisode 147. Oui. OK. Les commentaires, il y en a 17. Merci à tout le monde, d'ailleurs, de commenter. 17? Ah ouais, j'ai pas été voir. Je... Ouais, wow. C'est comme... OK. Allez chier, mes hosties, c'est pas vrai. C'est une joke. Allez chier, 5 minutes. le pourboire taxé du gouvernement, non. Ça, on a parlé de ça. Pendant que tu checks, il y a Go Light qui dit « Allô, j'ai fait ma première visite à ton nouvel emplacement et j'ai un truc à te dire, papa cassette. Va chier. » Non, chapeau. C'est un big upgrade versus l'ancien endroit. Bravo. Ah, ben merci, Go Light. C'est très gentil. J'aime ça, les gags dans Voyage chier. Absolument. Oui, c'est sûr que comparé à l'autre, c'est énormément plus gros. Méchant, méchant. C'est comme un rêve ici. Là. Ah oui, on est bien fiers de ça. Fait que je regarde par la petite fenêtre. Ah, c'est beau. Mais bientôt, elle va être fermée pour toujours. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ben, merci GoLight de t'être déplacé et puis pour l'encouragement et de l'écoute. C'est très apprécié. Ben oui. T'as peu là. Ah ben, il y a le gars de Gatineau qui est venu vendre sa collection, qui a commenté, qui dit merci. Alors, c'est bien gentil. Merci d'avoir pris le temps de répondre aux questions. J'apprécie. J'écoute. Ah ouais, attends un peu. On va l'avoir, tout le monde, on lâche pas. Ah ben, je voulais juste lire ça, en fait. J'étais fier d'être dans là-bas, donc j'imagine pas ta fierté à toi. Okay. Ah ben, c'est wow, c'est vraiment apprécié. Cheers! Même sentiment quand on rentre à Arcade Montréal, t'es comme... Ben oui, genre c'est le même que tu fais ça, là, une arcade, un bord d'arcade. Là. Ah ouais, mais je veux tellement faire plus. Ça va venir. Un bébé à la fois. Ben oui. Ah ben, je voulais lire ça. Je pense que c'est ça que je voulais lire. En fait, quelqu'un qui dit « J'écoutais de ce podcast 2 jours après être revenu d'un voyage de 3 semaines en Europe qui a coûté plus cher que prévu. Je me sens moins mal. Sérieusement, je... » Ah, parce qu'on parlait de finances et d'argent au dernier show. Ah oui, oui, oui, c'est vrai. « Sérieusement, je suis dans une situation où je peux me permettre 2 à 3 voyages par année, dont un gros en Europe c'est bon, ça. Ou ailleurs dans le monde. Et oui, c'est important de voyager. Ça te permet de voir autre chose et voir comment c'est mieux ou pire ailleurs. Mm-hmm. Disons que ça remet en perspective, ça remet les perspectives en place. Ouais. Comme par exemple, j'ai fait des villes d'Italie et je peux te confirmer qu'il y a de la construction et des rues maganées. C'est pas juste à Montréal. » Genève, Suisse, m'a montré qu'un système de transport public, de tramway et d'autobus électrique, ça peut être crissement efficace. Ben oui. Continuez votre bon spectacle. Je te conseille Sea of Star, version québécoise. J'ai 46 ans et je traîne ma Switch partout. Nice. Parce qu'on parlait de ça aussi. One of us. Fait que, ouais. Fait que c'est très gentil. Donc oui, je voulais rebondir un petit peu là-dessus parce que le voyage, ça sert à ça aussi. Fait que quand t'es au Québec, puis tu chioles contre au Québec, puis tu chioles contre Valérie Plante, d'ailleurs, on est d'actualité avec ça. Ben oui, qui se représente pas. Elle se représentera pas. Je pense que j'ai vu Coderre s'en venir en Bessic tantôt pour aller se représenter. Penses-tu, man? Non, je sais pas croire. Je pense même pas qu'il va oser. Il est tellement opportuniste, ce gars-là, que ça se peut qu'il fasse le move, mais il passera pas. Il passera pas, il est déchu, là. Il devait pas se présenter au provincial, puis finalement, oui, puis non, puis oui, puis non. Ben, il avait pas payé ses impôts, puis là, il avait déjà commencé à ramasser des saletés sur lui. Il faisait de la boxe. Personne en veut au libéral non plus, man. Ben, sa remise en forme, c'était quand même intéressant. Ça, c'est cool, mais parce qu'on l'a vu beaucoup pour ça, là. Exact. Puis ça, c'était comme, OK, là, ça, c'était un bel angle, tu sais. Mais là, il est revenu, puis il fait juste dire des conneries. Là, on c'était comme, ah, ça se peut, je le présente. Peut-être que non. Veux-tu arrêter genre, de faire du bruit? Ouais. C'est ça. Ben, Infoman en avait fait une belle parodie, d'ailleurs. Toujours sa nouvelle. Annoncer des affaires sans arrêt. Ouais, c'est vrai. Fait que moi, j'y crois pas, à Coderre. Non, je pense pas. Puis c'est pas ça que t'as besoin à Montréal. Là. Non, crissement pas. Ça va être un bon dénouement à voir, par exemple. Genre de voir qui va se présenter. Puis... Moi aussi, je suis très curieux de voir ça. Puis, comme je disais, pas de ligne rose, malheureusement. Mais j'aurais aimé ça parce que ça aurait été fait direct chez nous. Le métro, ça se tâle depuis bien des années. Là. Ben, tu vois, c'est ça le problème. Le métro, c'est pas supposé être une affaire de parti ou d'élu. Non, c'est un projet. C'est un projet ongoing. C'est un projet de société. Fait que chaque nouvel élu, il devrait avoir une mais loi. Mais c'était ça le plan, me semble, au départ. C'était comme, ben oui, mais on va agrandir. Puis agrandir. Puis agrandir. Puis on va. Ça devrait être en continu, là. Exact. Hey, t'imagines si on pourrait relier, genre, la Rive-Sud, la Rive-Nord avec, genre, le métro. Ce serait parfait. Ben t'as oui. Le REM qui fait un peu ça, là, mais c'est encore en construction, c'est pas fini, là. Exact. Puis les métros, les stations de métro, ça prend combien de temps à faire une? Genre 5, 8 ans? Ouais, pendant qu'il y en a 3, 4 qui pètent parce qu'on les entretient c'est pas. Ça, on a perdu complètement, le maire de Québec l'a dit, puis il a raison, on a complètement perdu notre expertise de faire des métros, ben des oui. Stations de métro. Puis là, on part from scratch. Puis là, bien sûr, ben, on n'a pas d'argent. Sûrement le tunnel qui coûte cher à construire dans tout ça, là, dans le métro, là, j'imagine. Ah, ben écoute, mais ça devrait plus coûter cher si on n'avait pas arrêté d'en faire, tu sais. Ouais, parce qu'on avait l'expertise, puis on a probablement donné ça aux États. Exact, moins cher, puis on n'a plus d'expertise, puis personne là. Nos machines à creuser, les tunnels. Ouais, là, ils sont où ces machines-là? Ben, ils doivent être mortes. Ils doivent être mortes enterrées dans les tunnels. Ils sont dans une ligne pas finie. Là, ils les laissent là, ils enterrent là. Fait que bref, ça devrait être. Si Valérie Plante avait lancé la ligne rose, puis il y avait deux stations, ben, c'est impossible. Bon, ouais, le prochain élu se doit de continuer ben, ça. Oui. Là. On fait la ligne rose au complet. Dis, c'est même pas une question de politique, c'est une question de genre de c'est un projet de société. De société de peuple, là. C'est totalement. Vraiment ça. Là. Totalement. Fait que, en tout cas, ça, c'est vraiment une honte. Là. Puis, je voulais dire ça. À quel point c'est dur à comprendre que le transport en commun, c'est genre la solution à bien des problèmes, là. S'il est efficace et qu'il roule comme il faut. Là. C'est pas c'est des solutions à des problèmes que des gens à l'extérieur de Montréal n'ont pas. Mais là, c'est municipal, mais t'sais, on s'entend, c'est pas le municipal qui paye que ça. Québec, là. C'est bien du monde. Mais non, c'est le transport en commun, man, c'est important. Ouais. Comme le dit le commentaire YouTube, là, t'sais, comme quand c'est efficace, le monde, ils vont l'utiliser. Mais oui, ils vont en avoir moins de chars. C'est sûr qu'ils vont en avoir moins. Là. C'est facile d'utilisation, puis il y a de la place, puis que ça c'est bien fait. Le monde va le prendre. Là. Totalement. Fait que voilà, donc je voulais lire ce commentaire-là parce que je trouvais ça intéressant, puis je trouve ça très pertinent de voir qu'ailleurs, il y a de la marde aussi, puis tout n'est pas parfait nulle part. Puis on devrait être fiers ici au Québec de ce qu'on a. On n'est pas parfait, personne n'est parfait. Toutes les sociétés du monde ont leurs problèmes, on a les nôtres, la façon qu'on est faite. On est festif, nos rues sont maganées. Ouais, on est festif. Mais le monde, ils viennent ici, ouais. Tu sais. Ici... Tu te fais pas gonner, tu sais, comme ici, t'as le droit de parler. Ici, il y a des. Ah, oh, mais on a plein de libertés qu'on n'a pas ailleurs. Là, t'es tellement libre ici, là. Mais oui, on est contraint par de la bureaucratie, mais en même temps, je veux dire, ici, t'as jamais de marde, là. Tu fais ce que tu veux. Oh, là, ouais, en général, ça c'est. Puis ça, même c'est quand tu fais de la marde, tu sais, t'es pas si tant puni que ouais, ça. C'est ça. L'autre affaire que je trouve qu'on l'échappe beaucoup au Québec, c'est l'architecture des buildings, là. Ouais. Tu regardes en Finlande. On fait des affaires lettres, ça se passe tellement lettres. Tu vas en Finlande, c'est comme ça coûte pas plus cher. Puis genre, des affaires d'innovation, puis des affaires grandioses, genre, ou d'architecture, t'es comme. Sacrement, on est encore pogné avec le crisse de la toile du stade, là. Ouais. Après toutes ces années-là, puis on fait juste des buildings carrés lettres qui sont tout croche. Ah ouais, on n'hésite pas fou, à battre des belles choses ici pour bâtir. Mais dans tout, je trouve ça fou. On essaie de faire des affaires cheap que sur le long terme vont nous coûter pas mal plus cher que si on avait conçu un petit peu plus cher comme il faut au départ, tu sais. Ouais. Tout brise, tout est tout croche. On n'a pas de vision long terme. C'est souvent ça le problème. C'est ça le problème, en effet. Ça serait un bon vulgarisateur aussi qui va vendre la vision avant de la faire. Peut-être qu'il manque ça aussi dans les business. Là. Ouais. Le monde, c'est juste ses chiffres. Là. Ça va coûter moins cher, ça va être fait là, puis c'est tout. Là. C'est comme, non, mais attends, là, si on fait un building genre en triangle avec des triangles de métal dedans. Puis... Exact. Ben moi, je pense que c'est encore un problème de bureaucratie. Ben oui, aussi, qu'on est tenu de ne pas payer cher rien. Puis, Il y a Gaulard qui dit que le problème, c'est les deadlines. Souvent, ça peut être ça aussi, je pense. Là. Ben, on y respecte jamais, ce petit deadline, parce qu'il y a trop de permis à acquérir pour telle affaire. Tout. On peut pas mettre l'épaule à la roue, tout le monde, puis Chris y arriver, parce que c'est comme, ah, moi, non, on peut pas, parce que si, on peut pas, parce que ça. Ah, va falloir retarder le chantier, va falloir faire ça. T'sais. Tu vois, il dit qu'il est sur la construction, puis les deadlines deviennent toujours plus serrés et toujours moins d'argent sur le projet. Puis ça met à faire en informatique aussi. Là. Les projets sont tout le temps plus gros, moins de cash, on envoie ça offshore, on coupe à des places, genre, on cheap là. Ouais, vous allez vous coûter 2 millions de plus en fin de projet, puis votre affaire va être tout croche parce que vous avez cheapé aux mauvaises places. Totalement. Moins de gestionnaires, plus de travailleurs, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Souvent, là. Mais je suis curieux, Go Light, puis on va répondre aux questions en même temps, mais dans quel... On va en profiter. Premièrement, tu t'écartes. Non, mais... Pour vrai. Hey, puis moi, je chiale tout le temps contre le monde de la construction. Désolé, Go Light, mais j'ai encore vécu de quoi... Mais dans quel type de construction chantier tu travailles, là? Explique-nous, si tu veux. Menuisier. Ah, menuisier, hein? Oui, j'ai mes cartes. Il y a ses cartes de pied menuisier. C'est la fois que je trouve le plus drôle. À chaque fois que j'entends parler de construction, tu t'es cartes. Mais dis-nous, pour des très gros chantiers ou genre tu fais résidentiel, du résidentiel, tu nous faire une table de podcast? Ou c'est ça, tu fais-tu du très sur mesure commercial, industriel, alimentaire? Ah, oh, wow, c'est précis, ça. OK, OK. Donc, menuisier dans l'alimentaire, ah ouais. C'est quoi? Tu fais-tu des métros puis des IGA ou tu fais des usines? Il n'y a pas ben de bois dans les usines. Genre, les fameuses usines alimentaires en bois. Ah. Les usines de ballonnées, mais tout fait en bois. Tout le bois pogne l'odeur du ballonné, là. Il fait du par-ci-par-là, OK. Il fait du résidentiel aussi un peu, bien sûr, je le comprends. Faudrait que tu viennes chez nous, j'ai besoin d'armoires custom pour mes choses. Frigo, frigidaire. Ah, OK. OK. Congélateur. En bois. En bois? J'ai besoin de genre des pièces genre congelées, là, faites à... T'sais, je peux pas croire que c'est un congélateur que t'ouvres, genre un congélateur tombeau fait en bois. C'est le vert, ça. Non, panneaux isolants. Des panneaux isolants. OK. Fait que voilà. Ben, dans le fond, il fait des chantiers de même. Il fait des... On va dire qu'il fait des épiceries. Ouais. Quand il a besoin de bois dans la place, ben, c'est lui qui s'occupe de ça. Alors. Voilà. Et puis, voilà. Fait que, OK. Et puis, j'aimerais que tu me dises tes trois plus gros irritants au travail. Ben, dis-moi pas, genre, j'haïs mon boss, whatever, mais c'est quand sur le développement du travail, tu sais. Un revêtement extérieur aussi, là. Genre, en arrière du IGA, là, genre, une belle bannière de bois, tu sais. Les écharpes. Les écharpes. C'est bon. Alors, il se fait plus d'écharpes Go Light depuis longtemps. Là, c'est un professionnel. Puis, OK, ben écoute, on va le laisser nous répondre un petit peu ça. Et puis, on va commencer à répondre à les questions. Ouais. Simon Parenteau, vu que tu as presque ton full set de Super NES, peux-tu me donner ton top 5 de Super NES? Ouf. Ah, c'est très difficile. Je pense qu'on peut... Ben, très facilement, je pense que Mario World doit s'y trouver. Link to the Past. Link to the Past. Moi, je mettrais un Final Fantasy 3 là-dedans. Ouais, ouais. On peut-tu faire un top 10? Mario Kart, Super NES? Si t'aimes ça, ouais. Moi, j'aime c'est, c'est pas bons, mes affaires, mais c'est bons, un... Des bons, je pense. Là. Absolument. Moi, je serais plus... Les 94. Ah oui. On est sur mes préférés à moi, là, mais... Moi, je mettrais ActRaiser, Super Castlevania 4, Contra 3 The Alien Wars, Turtles in Time, fucking bon. Attends un peu les autres RPG. Turtles in Time que j'ai chez moi qui m'avait été offert gracieusement par toi quand tu commençais à collectionner beaucoup pour revendre. Ok. Puis j'étais comme je le cherche, j'étais fait comme prends-les. Ah ouais, je m'en rappelle. Ok. Je vais le prendre. Chrono Trigger oui. Pour les amateurs de RPG. Puis, je pourrais aller dans le plus obscur de mes découvertes récentes. J'ai beaucoup aimé Opération Logic Bomb. Ouais, j'en avais parlé à Retro Nouveau. Ouais. Ça, c'était comme, wow, ça a été une petite révélation pour moi. Ben aimé ça. True Lies. True Lies, totalement, dans le même genre de petite révélation. Il y a des bons beat'em up au Super NES aussi. Ben, Turtles en est un. Ouais. Moi, j'aime beaucoup Super Double Dragon. Il est loin d'être parfait. Mais il y en a plein. Batman Returns. Ouais, mais là, on commence à être un peu cru. Mais ça donne des bonnes idées déjà. Air Eden Gem, Uniracer. Ouais, toi, t'adores moi, j'aime ça. Moi, je suis bon à Uniracer. Moi, j'étais pas bon, là. J'avais de la misère. Je pense que je l'avais loué très souvent. Puis j'ai pogné à tous sa monnaie avec mon frère. On se challengeait des high score puis des time limit, je sais pas quoi. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est beau petit jeu, là, mettons. Là. Ah, absolument. On va aller à les irritants à Go Light pour la construction. Deadline, trop de casques blancs pour corriger un problème qui pourrait se régler en 20 minutes sur un chantier, mais il faut passer par CZ avec lui, l'ingénieur, pour faire approuver une modification simple. Et le dernier. Le dernier va arriver après, je m'imagine. Ouais, et le dernier, il s'en vient. Fait que des casques blancs. C'est quoi des. Pourrais-tu nous dire vite fait aussi qu'est-ce que. Des foremen, des casse-blancs, j'imagine, là, ou genre le monde qui dirige les chantiers, je peux pas. C'est peut-être des gens de bureau qui viennent sur le chantier avec des casques blancs. Ah, les casse-blancs, c'est le monde, genre les visiteurs, là. Ouais, ben des ingénieurs. Bon, là, oui, il faut que tu passes par l'ingénieur pour plein d'affaires, mais bon. J'imagine. Ben, comme moi, quand je fais des affaires, faut que je modifie, faut que je passe par l'architecte souvent, là, du projet, là. Ouais, c'est ça. Toujours être poussé pour le deadline, mais toujours plus de sécurité qui ralentit la job. Exemple, des périmètres alentour des machines alors que tu es seul. Il y a mon beau-frère qui travaillait dans une... Il a travaillé toute sa vie dans la même usine, puis l'usine a été rachetée, puis tout. Puis okay. Comme la sécurité a été hyper renforcée, tu sais. Puis il y avait plein de choses qu'il n'avait plus le droit de faire. Puis il était très... Il n'a pas aimé ça, comme de se faire changer ses habitudes. Puis là, soudainement, il doit tout le temps mettre son casque à ses places. S'il veut répondre à un call, il faut qu'il arrête son lift, tu sais, qu'il ferme la clé, puis qu'il réponde au call. Tu sais, comme les gars sont habitués de travailler, puis là, soudainement, tu leur rajoutes une petite grosse couche de gestion, tu sais. Mais je comprends qu'il doit avoir une certaine sécurité ou une certaine vérification aussi pour les structures, whatever. Mais des fois, c'est sûr que tu l'appliques à 100% puis ça vient niaiseux dans une situation X. Là. C'est ce qui arrive avec Go Light, tu sais. Puis c'est ce qui arrive avec mon beau-frère aussi. Des fois, ça devient niaiseux, tu sais. Fait qu'il devrait avoir du gros bon sens qui rentre là-dedans. Mais moi, genre. À job, des fois, je suis comme, hey, garde le fuck, là, je vais être reckless, mais aller tout corriger en prod, là, genre fuck off, là. Ça prend 2 secondes. Là. Ouais, c'est ça. Qu'à te prendre 2 jours pour passer par telle affaire, ça arrive, là, mais. Faut pas le dire trop fort, ça. Non, c'est. Je le fais parce que, genre, je sais ce que je fais, là, exactement, là, mais faites pas ça si vous travaillez avec moi, s'il vous plaît. Là, je vous aimerais pas, moi, par contre. Quand je dirige puis je le fais, c'est correct, c'est moi qui le fais, c'est moi qui est responsable. Si quelqu'un d'autre le fait, je suis c'est toi qui es responsable. C'est ça, c'est exactement c'est ça le problème. Surtout si je le pogne par après, que quelqu'un me l'avait pas dit, je fais tu vas te faire parler, toi. Ah, c'est ça. La vis, faut qu'elle soit un 6 pouces, pas 4 pouces, même si ça change rien, ok. Ouais. Fait que c'est beaucoup de paramètres là, qui semblent irriter Go Light, en effet. Patrick Doyon, dans les questions. Puisque vous êtes tous deux amateurs de Burger Time et de Pierre à Feu, comment ça se fait que vous n'avez pas encore critiqué de Flintstones Burger Time in Bedrock Burger sur Time? Game Boy Color? Burger Time in The Flintstones Burger Time in Bedrock? Je connais pas ça. T'es-tu capable de nous sortir un YouTube de ça? Ben, j'ai ça ici. Family Fjord, qu'est-ce que c'est ça? Hein? Je vois-tu juste pour être là. Ah, ben oui, Blastman dans le chat, bien sûr. Super Metroid, où avait-on la tête? Oui. Aïe, aïe, check-moi ce jeu-là pour les gens en audio. C'est vraiment un jeu des Flintstones. Des Flintstones. Sur la musique qui a coupé en même temps, en plus. Hey, tout le monde est. On avance là. Un peu. Ah, c'est un Burger Time de pierre à feu, man. Wow! C'est vraiment ça. Hey, Gazou, il est là. Ben oui, il te court-tu après, genre, il veut te mettre de la merde. Je sais pas s'il t'aide, peut-être. Je veux pas croire qu'il veut mettre de la merde. Ah ouais. C'est donc ben fou, ça. Combien ça vaut, ça? Faudrait... Super Kid Carus. Ah ouais. J'avais même pas l'existence de ce jeu-là, pas en tout. Hey, moi non plus. C'est donc ben hot. Je veux ça. Un autre petit gem de Game Boy Check Color ça. Pour moi. Ah, c'est très hot. Tu peux checker GF sur Price Charting, combien ça vaut. Je serais bien curieux. Merci, Pat, pour la découverte. Pat, qui cherche toujours des bons jeux physiques comme ça. D'ailleurs, Dominique... pour GF. Ah, il est là. Il est Flintstones Burger Time in Bedrock. L'autre, c'est le pal. Je cliquerai pas là-dessus, ça va me mettre dehors. Fait que ça vaut 40$. Au complet, 200$. Tu sais, le dessin sur le artwork de la boîte est plus laid que les sprites dans le jeu. Ah ouais, il est comme mal ça, fait. Ça a comme peu. Pas de sens. Là. Hein? C'est, ça va l'air pas bien, c'est très intéressant. Très, très intéressant. Ouais, il y a eu des fluctuations. Là. Oui, hein, mais là, tu vois, il est revenu à son... En 2024, il est revenu à son 30$ à son prix de 2008. Qu'est-ce qui s'est passé entre genre 2009 puis 2015? Je sais pas, hein, bon, le burger, les hamburgers sont revenus en mode. Je sais wow. Pas. OK. Ah, c'est intéressant. Faudrait que je l'essaye. Je vais l'essayer au WEG. Malade. Golet dit qu'il a passé au CCJVQ, mais j'étais trop pressé, donc j'ai pas jasé avec le trois quarts du monde là-bas, dont moi. Mais j'aurais aimé ça. Ben, il y a pas de stress, man. Ça va l'air bien, le CCJVQ. Ouais. Bon, on avait un beau petit spot, là. On était bien. Ouais. Donc, Dominique Ostigui. Et puis, GF, ben bandé sur le nouveau Batman en VR? Ah, oui. J'ai vu cette publicité-là. Ah, faut que je vais le mettre, là. En fait, c'est Fred qui me l'a flagué, puis il était comme « Jeff, faut qu'on joue à ça! » J'ai dit « Alright, on va l'essayer, là. » Batman VR, c'est Arkham quelque chose, ça? VR. Pendant que tu cherches ça, je peux répondre à la question de Pierre-Luc Lupien. Quelle version préférez-vous entre les cassettes originales et les Player's Choice? Toi, Jeff, je sais pas si ça t'inspire ou tu t'en sacres. Mais mettons, faut que tu t'achètes une cassette. Préfères-tu la pas Player's Choice ou la Player's Choice? Oh, la pas Player's Choice. Ouais, hein? Ouais. Moi aussi, les First Print, et j'aime vraiment plus les First Print. Par contre, le set Player's Choice peut être intéressant à collectionner pour les gens anals, les gens anaux. Comme au Super NES, il y en a une coupe, donc tu peux faire le set Player's Choice au 64 aussi. En fait, il y a des Player's Choice et des Greatest Hits et tous ces genres d'affaires-là maintenant sur toutes. Alors, ça peut partir de loin, mais moi, en ce qui me concerne, toujours le First Print, ouais. Yeah. Fait que c'est un jeu de Batman qui s'en vient sur Oculus, en fait. Là, check-moi ça quand ça a l'air beau et malade. Tu joues Batman, puis tu te bats à coups de poing, puis ça a l'air d'un vrai jeu full-fledged Batman. Il y avait eu un Batman Arkham quelque chose quand c'est sorti, genre la folie du VR. Mais c'était une aventure de comme 20 minutes qui était très très bien. Mais c'était petit, ça a l'air d'être un jeu full-fledged. Là. Arkham Shadow, ça s'appelle. Et je regarde ça, puis je suis bandé raide. Là. Ça va me ramener dans le gaming VR, pour vrai, parce que je game pas tant de tension en VR. Comme je disais, je m'entraîne plus qu'autre chose, mais hey, ça a-tu l'air merveilleux, il y a qu'un peu, ça, là? Vraiment, vraiment. Ben écoute, tu le feras, puis tu le critiqueras sur le show. Ah, j'avoue, j'ai pas fait de critique de VR encore sur le show. J'essaie de rester dans le rétro pour pas choquer tes fans et ton auditoire. Là. Ben là, mais ouais, mon auditoire est capable. Là. ouais, c'est ça. Il est en grande partie constitué de celui de Rétro Nouveau, quand même. Mais ça, c'est un genre de jeu combat, puis de mix avec de détective. Il y a du détective là-dedans, c'est certain. Ouais, c'est ça. Ça a l'air très très bon, très intéressant, puis en tout cas, au look, ça a l'air magique. Juste ça, aller mettre le suit de Batman, ça va être quelque chose. Là. Ben oui, hein. Je sais pas s'il faut que tu le mettes en VR, comment on passe les culottes en premier, ça serait malade. Met le chapeau. Les jambes tout molles, puis t'essaies de ton jeu. Vraiment, tu vas juste mettre le casque sur la tête, puis tu vas l'avoir. Là. Ouais. Mais il a l'air d'avoir de la vision entre les murs. Ça a l'air d'être très très bien pour vrai. Là. Allez voir ça. Batman Arkham Shadow qui s'en vient sur Quest 3. Fantastique. Sera critiqué. Bruno Fizet. Ou Fizette, comme on disait en Beauce. Vous souvenez-vous de votre première expérience avec la Game Boy originale de Nintendo? Avez-vous eu la chance d'y jouer en 1989 ou peu après sa sortie en Amérique du Nord? Oui. PS, en référence à votre dernier épisode, oui, c'est moi qui avais reconnu JF de Rétro Nouveau au travail et qui était bien heureux de le rencontrer en personne. J'espère de ça, ouais. Le monde est petit, comme toujours, comme on dit, toujours heureux de croiser un autre fan de rétro. Très bon show, messieurs, et merci de nous divertir. Est-ce qu'il m'avait tellement cassé, là, cette fois-là, là? Ah ouais, hein, ça t'avait fucké. Là. C'est parce que genre on s'en va chez un client, je nommerai pas le client là, mais puis c'est comme tu sais, j'étais avec Ellie puis genre plein de monde de la job, on s'en va faire le kick-off d'un nouveau projet de plusieurs millions de dollars, tu sais avec la compagnie puis genre lui il était du côté client. T'es du côté client, puis tout le monde se présente puis c'est comme hey Ellie, t'as l'affaire puis le gars, hey JF de Rétro Nouveau, puis j'ai fait comme genre toutes les gags de genre de sperme dans la neige, j'allais vers le chat, c'est une affaire qui avait pas de sens. Ça va pitcher un projet à 10 millions. Genre, le gars, c'est le gars qui dit des astuces de merde sur le web depuis 10 ans. Ça me compte. Il était mort de rire. Moi, j'étais comme tabarnak. Ok, cool. Genre, ça va nous mettre dans la merde. Mais c'est là que je m'attends pas à me faire connaître pour ça à job. Ouais. Ben, s'il l'écoute, c'est qu'il est d'accord. C'était un ami à Nick, je pense. Avec Nick. La Chapelle? Ouais, c'est une compagnie que Nick avait travaillé. Fait qu'il avait avec Nick. Okay. D'après moi, il l'écoutait à cause de ça, peut-être. Là. Ah. Et encore un gamer, s'il nous écoute encore après toutes ces années. Ben, là, écoute, il a commenté pas plus tard qu'avant hier. Alors, il est là. Il est là. Il l'a-tu acheté, ton projet? Ou Non, on l'a pas gagné. Hein? C'était pour Bruno, esti. C'est pas lui. Je pense pas que c'était lui qui était. C'est pas lui qui décide. Puis j'ai pas eu temps à dealer avec lui. Il était genre directeur, je sais pas quoi. Fait que quand c'était les grosses décisions, il était là, mais sinon c'était pas moi dans le day-to-day. Là. Ah. Ouais, mais vous avez pas gagné le pitch, esti. Non, mais c'est une grosse partie de la job de consultant que je trouve très weird. C'est de faire des pitchs continuellement. Des mois sur des appels d'offres publics. Il faut que tu fasses tu dépenses de l'argent là-dedans, des millions, des milliers de dollars genre d'employés qui. De tant de staff à ramper des réponses d'appels d'offres que tu gagnes pas. Ah, je sais, ben, c'est ça. C'est fou, c'est le même que ça marche. En agence de pub, c'est le même aussi. C'est là. Ça. Ouais, il y a un appel d'offres. On avait parlé un peu de ça. On en parlait dans notre drunk talk samedi. Là. Ouais, c'est là qu'on a parlé. On a parlé de ça. C'est la fois qu'ils m'ont échappé, j'étais un peu chaud. Moi aussi. Mais, ben, sinon, pour revenir à la vraie question, Game Boy. Oui. Moi, j'ai eu à Day One. J'ai pas eu si ça. C'était Day One. Ben, c'était pas Day One, mais quand c'est sorti, le Noël de cette année-là, j'en ai demandé une. Probablement aussi que c'était arrivé dans ce coin-là, moi aussi. Là. Ouais. J'ai encore mon Game Boy qui a un tag marqué Jean-François dessus, ah, vers un collant. Mon père avait acheté, tu sais, les critiques d'imprimante, que ça faisait des petits papiers avec des collants dont tu peux écrire. Oui, là, oui. Il avait mis mon nom, parce qu'on avait deux, puis là, mon frère, on se battait, puis là, quel est acquis, puis... Mais ben oui, je me rappelle, puis je me rappelle d'avoir même joué à Tetris avec le Cable Link, mon frère, dans le char, souvent, puis des affaires comme ça, là. Ah, ben oui, certain. Moi, avec... Ben, Tetris, ça venait avec, fait que je jouais full. Moi, mon premier jeu, c'était Castlevania Belmont's 2, Belmont's Revenge. Oui. Alors, j'ai joué à côté, man. C'est de là mon grand amour. J'ai beaucoup de nostalgie aussi de ce moment-là de ma Game Boy à Noël. Puis ouais, ce ouais. jeu-là, je me rappelle, on était allé à l'église parce qu'on allait avec ma grand-mère et tout le monde à l'église. Puis en revenant, il était minuit. Puis, et quelque, j'avais continué à jouer. Là, puis, astie que j'ai joué, man. Ouais, c'était tellement bon. Mario Land, que j'ai grindé en fou. Astie, ouais. C'est dur, ce jeu-là. C'est pas... Le sprite est petit. Ouais, ben, il y en a un des deux qui est très ben, dur. Aujourd'hui, tu le trouverais pas... Non, tu le trouverais moins pire. Probablement, là. Même ça qu'à l'époque, c'était quand même difficile. C'est là. Dur parce que c'est minuscule. C'est ça, là. Le 2, il est plus facile, mais il est meilleur aussi. Il est supérieur à tous les niveaux. Mais puis moi, tous les jeux que j'ai eu au Game Boy, pour vrai, ils étaient tous bons. J'ai eu la chance d'acheter que des bons jeux de Game Boy. Vraiment. J'aimerais ma mini-collection de Game Boy, peut-être, à un moment donné, là. Non, c'est pas... Ça n'est pas... Ah ben, il y a raison, Domingue, dans le fond. Si j'ai eu le deuxième Castlevania sur Game Boy... À sa sortie, mais il y avait déjà eu un Castlevania de sortie. Fait que, en effet, j'ai pas eu la Game Boy Day One. Ben, je l'ai pas eu Day One. Ouais, ouais. Mais je l'ai sûrement pas eu dans sa première année d'existence. T'as raison. Fait que, mais je l'ai eu quand même rapide, là, tu sais. J'avais demandé ça à mes parents, j'avais eu ça. Puis j'avais Snow Brothers, Opération Contra, j'avais The Jetsons, Bionic Commando. J'ai tout racheté ces jeux-là à un prix de fou. Et puis, c'était tellement tous des bons jeux. Ouais, moi, j'avais le Zelda, là. Ben oui, Link's Awakening. Ouais. Il est super bon. Qui était très dur à finir, là. Je l'avais fini, là, mais avec le grind. Puis j'avais Donkey Kong, la cassette jaune aussi. Ben oui, il y a eu Donkey Kong Land 1, 2, 3. Là. Ouais. Ouais. Okay, ouais. Ouais, ouais, je sais, on en vint, ça. Ouais, mais j'imagine que tu le sais plus que moi, là. Ouais. Blastman qui demande dans le chat, as-tu vendu beaucoup de jeux au CCJVQ? Ouais, j'en ai vendu pour 1000$. Fait que j'étais bien content, hein. C'est une bonne. J'avais de l'Atari là-dedans, des affaires un petit peu plus en gauche. Fait que. Ça a été une bonne journée. Très satisfait de ça. Mis ça dans mon compte épargne pour me préparer à payer mes impôts. Ah, les impôts. Alex Neveu, monseigneur. Monseigneur. Sors le porto pour le prochain épisode. C'est en réponse à la photo. La grosse visite en ville. Non, c'était vraiment juste pour niaiser cette photo-là. Quel a été pour vous le plus gros jump entre générations de consoles? Graphique, gameplay, son, manette. Je suis pas exactement sûr de comprendre ce qu'il veut dire par jump. Est-ce que ben c'est... Le, pour moi, entre la NES et la Super NES, il n'y a pas un gros changement au niveau de ouais. comment tu joues. Ça reste souvent top-down 2D. Ouais. La Sony 4 est un gros jump. Tu tombes dans du 3D, que tu contrôlais la caméra dans un environnement 3D qui n'existait pas avant. Là. Que tu avais un peu, c'est le mode 7, mettons, sur la Super NES, mais pas tant non plus. Là, c'est... Ben, je veux dire, c'est une curiosité, mais... Je considérais pas ça tant comme un jump, mais moi j'ai. Mais t'sais, autrement que ça, le plus gros jump, le VR. Hein? Oui. Tu deviens la caméra, t'es l'acteur de ton jeu carrément. Là. T'as bien raison. On dit Super NES vers la PS1. Ouais. Ben moi c'est ça, c'est le 2D vers le 3D, carrément. Après ça, le 3D ne fait que s'améliorer. Puis là, on s'entend-tu quand PlayStation 3, 4, 5. Il n'y a pas de jump, juste, là. C'est, ben, juste c'est la force de la carte graphique. C'est la maudite affaire. C'est tout pareil. C'est tout ça pareil. Ça devient juste de plus en plus crisp. Des plus de pixels, fait que plus lisse, puis plus de frame rate. Puis ça devient juste plus fluide, là, rendu là. Exact. Fait que la 64, la PS1, la Sega Saturn, et puis Xbox a commencé à exister. Le 3D existait déjà. Il n'y a pas eu de jump pour Xbox, là, tu sais. Fait que c'est le jump, man. Tu vois, il dit Blasman, il dit que lui, pouvoir jouer portable, ça l'a mis sur le cul avec la Game Boy. J'avoue que c'est un gros jump pareil. T'es pas sur une télé, là. Fait que c'est un. Ouais. Ah, ben là, attends un peu. Moi, je suis très vieux. Mais t'avais des Game & Watch avant, mais c'était pas ça. De Game & Watch à Game Boy, ouais, là, on est ailleurs à dessus. C'est un gros jump pareil, ça. Mais en fait, je vais le dire aussi, moi, je l'ai vécu pour vrai. Le jump de l'Atari 2600 à la NES. Ah, ouais, quand même. Ça, c'est un tabarnak de jump. Quand tu joues à l'Atari, puis après ça, tu joues à Super Mario 1. Moi, Super Mario 1, c'était la chose que je désirais le plus au monde avoir dans ma maison. Là. C'est clair. Là. Je voulais être seul avec ce jeu-là là, pour jouer. Là. Pas aller chez mes amis qui me prêtent, tu sais, comme moi puis le jeu, là, pour toujours. J'étais comme ça, moi aussi. J'ai un petit genre de petite chaise berçante chez nous, puis j'étais tout ça avec mon nez. Comme, yes! Ah ouais, ah ouais. Puis mon ah ouais. gars, il m'aime aussi. Là, j'étais comme, oh, que je me reconnais dans lui, puis ça me gosse. Là. Moi, j'étais. Un jour, on parlera de gestion d'écran avec les enfants. Ça m'intéresse de savoir ton opinion là-dessus. Ça faudrait, Chris. Je sais pas si je veux révéler tout ça. J'ai l'impression que je fail en tant que parent. Ah, moi aussi, je fail en Chris. Hey, attends, il y avait quelque chose dans Discord. T'as parlé du Porto, là? Ouais. Il y a sur notre Discord de chez Papa Cassette dans le hub, il y a Crowflock qui dit « Mauvaise nouvelle pour le Porto 2010 LBV. Il ne vieillit aucunement en bouteille et donc goûtera la même chose qu'aujourd'hui qu'en 2010. Ça commence même à perdre du goût après 10 ans environ. Le seul Porto qui mature en bouteille est le Vintage. Je dis ça car je viens de faire des visites de cave, de Grams et autres à Porto présentement. Oui, oui, le gros luxe. » Fait qu'on traîne ça pour aucune raison. On aurait pu le boire, là, 6 ans. Là. En plus, ouais. Il commence à... Peut-être qu'il perd, même. Il commence à sunfade. On va le boire à... Ah, il sunfade? Non, mais c'est dans... c'est une référence de cassette. Quand ça sunfade, ça se brise avec le temps, tu sais. Là, c'est comme si notre Porto est dévalué. Soit qu'on le boit ou on le laisse juste en comme pièce de collection dans le décor, là. Ben, check. On va le boire à Noël. Puis, on fera le show chez vous. Ou on te payera un taxi. Je prendrai le REM, ça coûtera moins cher. En fait. Exact. Puis, on va garder la bouteille pour le décor. Ça peut être ça. On va faire ça. On va le boire. On va être chaud en tabac. On va l'ouvrir, elle va être bouchonnée, là, c'est ça. Je pourrais même pas te dire. Je connais tellement rien là-dedans. Okay, ça goûte bizarre. Hey, on peut pas boire. Il y a combien de pourcentage là-dessus? Euh, 20%. Fait que si on boit ça à deux, man, on va être pété raide, là. Ouais, d'ailleurs, à la soirée du podcast, il y a un gars qui nous a envoyé un gros don pour qu'on fasse un nouvel épisode Jameson, là. Fait que c'est un peu... ça me fait peur, mais on va le faire. Un épisode Jameson. Juste pas qu'on soit trop... Faut qu'on soit un petit peu plus que ça, là. Les affaires qu'on nous force à faire à 43 ans. On l'a fait, là, 7-8 ans, cet épisode-là. Il y a moi, Dave et Mallette. On avait fini une bouteille de ce gros solide Jameson à 3, puis c'est le meilleur pire show qu'on a jamais fait. Ah ouais, man. Vous devez y être fini raide, là. Ouais, faudrait que je l'enlève, d'ailleurs, sur YouTube. Ah ouais, hein? il y a trop de sacs, puis d'attaques personnelles. Mais il y a beaucoup de propos de ma part qui sortent pas de ma bouche normalement, genre. Ah ouais, hein, ouais. Si jamais tu veux pitcher une autre compagnie de 10 millions. Ouais, je m'en crisse tellement, là. JP Gauthier, pourquoi pas de précommande pour Marvel vs Capcom sur Switch chez RetroMTL? Merci. C'est une très bonne question. Je vais valider ça. Je vais valider ça plus tard. Laurent, vas-tu recevoir Bruno ou un autre invité bientôt? Bruno, je ne sais pas. Peut-être éventuellement, en effet. Il fait encore ses trucs, là. Tu sais, je veux dire, il fait-tu de quoi, Bruno, en fait? En ligne, là. Ah, à ligne, je pense pas. Là. Genre, non, c'est ça. Il chatte un peu dans notre chat de groupe, là, puis il repose quelques affaires sur Instagram, mais je pense pas qu'il fait de critique ou rien. Il a plus à être là-dedans du tout pour l'instant. Là. Non, c'est ça. Je pense qu'il prend une... La pause du guerrier. Là. Il est sur une longue sabbatique qui décidera quand ça y tendra. Ça y tendra un jour de revenir à faire des trucs. Là. Exact. Ben oui, on va le réinviter. Mais on a... Ben, autre invité, oui, assurément. Là. Oui, et puis Fred aussi. Là, ça va venir. Oh, ouais, là. Mais là, on s'était dit qu'on allait inviter... au prochain spectacle ouais. ou l'autre d'après, dépendamment de sa disponibilité. Faut que j'y demande avant, mais on peut le dropper tout de suite si tu veux. Là. Ouais. Pierre-Alexandre Lassonde, le gars qui fait les Québec Mortis et les jeux de Pico 8 là, présentement, là, qui est sorti un jeu de style Metroidvania. Baby Boomer 2 que t'as... Non, c'est deux personnes différentes. Ah non, attends. Ah non, c'est l'autre gars qui avait... Mais c'est quelqu'un qu'on voulait inviter aussi. Mais oui, c'est vrai. Comment ça s'appelle cette compagnie-là? J'ai un blanc, là, mais la compagnie qui a fait Baby Boomer 2. Là. Oui, oui, c'est ça. Mais je me mélange. Oui, l'autre gars qui m'avait envoyé son affaire. T'as fait tous ces jeux. Oui, j'ai fait les trois Québec Mortis, puis là, il y a son nouveau qui vient de sortir qu'il faut que je fasse. Là. Exact. J'ai fait du bon stock indépendant, là, pour vrai. Là. Oui. Fait qu'on va essayer de l'inviter au prochain show. Et puis sinon, ça sera l'autre d'après, whatever. On va le fitter. Je vais lui demander avant qu'il l'écoute et qu'il l'entende sur le show. Là. Ben écoute, moi j'aime ou ça pitcher des affaires. Ah, il est là. C'est genre... Ah, c'est Palace Games. Il est là. Fait que moi, t'écris PA bientôt. Là. Faut qu'on ben, parle. Ben si ça te tente. Là, si t'as le goût, ben je pense que c'est. Il habite où, lui? Il est à Montréal. Il est genre dans le coin de Villemort, je pense. Là. Ah, ben c'est pas tant Villemort. C'est pas Montréal. Villeray. Je niaise. Ben il y a une différence entre Villeray et Villemort. Je sais pas. Donne ton adresse avec ton code postal tout de suite. Puis ton numéro d'assurance sociale. Puis ton NIP de 4. Ça prend ça pour participer ici. Ouais, ça. T'as pas le choix, tu sais. Faut qu'on fasse une enquête de crédit avant que tu puisses venir. Là. Exact. Puis il va falloir qu'on t'injecte quelque chose aussi quand tu vas rentrer ici pour les mythes. Oui. Bon. Marc-André Nadeau. Pour ou contre l'abattage des chevreuils au parc Michel Chartrand? Moi, c'est mon hood, ça, là. Oui. Puis je voterais souvent... Ben, moins là parce que je suis plus rendu à Saint-Hubert, moins à Longueuil, mais dans le temps que j'habitais à Longueuil au condo où on faisait les anciens rétro nouveaux dans la pièce verte. Oui, là, oui, je me rappelle. Parce qu'on a eu plein de belles discussions. Ah oui. Le parc Longueuil était à 5 minutes de marche. Fait que moi, j'allais courir dans ce parc-là, puis c'est tellement le fun de courir puis d'avoir des chevreuils alentour, tu sais. Mais il y a l'air d'en avoir beaucoup présentement, puis c'est un problème, je pense, là. Ben, écoute, je suis pas spécialiste, là, mais ce que j'ai entendu, c'est qu'il y en a des tonnes de ces chevreuils-là, puis que ça commence à être un problème pour les résidents, puis que là, on se dit, oh, ben, on va les mettre ailleurs, mais là, ils sont pleins de tiques puis de maladies. Ah, ouais. Fait que tu peux pas rien faire avec, fait qu'ils veulent les abattre, tu sais. Fait que... Mais les abattre, c'est la solution la plus simple, efficace et rentable de gérer le problème. Mais c'est la solution la plus cruelle. T'sais. Oui, sauf que tant qu'à les abattre, on peut-tu réutiliser la viande, tu sais, là-dedans ou quelque chose? Ou... Ben, c'est ce que les gens se disaient, mais ça, je veux dire, ça doit se consommer, cette viande-là, en effet. Là. Ça va être de la viande très, très mince, très maigre, là. Pas gros de grosse des chevreuils, là. Mais comment gérer ça? Tu peux pas juste leur mettre des balles dans la tête puis aller domper ça. Avec un dos, genre, pow! Puis aller domper ça à la dans le lac. Au, non, à l'éco-centre? Non, où est-ce que les pauvres vont manger, là? Pas les pauvres. Où les démunis se rendent. Tu peux pas aller domper des chevreuils morts à la maison du père, là. T'sais. Non, mais tu faut pourrais. Que ça soit apprêté, là, par mais des gens. Mais mettons que tu les découpes et tu les amènes toutes chez nous pour les passer dans mon fumoir, là. Ça se fait, faudrait leur donner un petit twist. Il y a Gaulard qui dit quand t'as dit qu'elle allait donner la viande à des organismes. Ben, ça, c'est très bien. Fait que, bon, ben, tu vois, moi, je pense. Le problème devient une solution à un autre problème, tu sais, là. Fait que... Exact. Fait que ça, je pense c'est ça. Si tu es inhumain, oui, c'est pas très cool de tuer des animaux, mais en même temps, ça ou la montre qui va à la chasse, tu sais. Ben, c'est nous autres qui est en haut de la chaîne. Fait que, c'est sûr. C'est nous autres qui décident. Mais on n'est pas en train de tuer une espèce animale pour genre. Puis qu'il en reste plus. Il y en a trop dans la ville, c'est ça le problème. Exact. Mais tu sais, bon, il y en a trop pourquoi? C'est nous autres aussi le problème, là. En fait, c'est nous autres qui empiètent sur leur habitat à ce monde-là, à ces animaux-là. Oui, là, c'est clair. Les pauvres. Les pauvres. Hey, ça a vraiment mal sorti. Un surpris, au moins, ça arrive, des affaires qu'on échappe. Non, mais ça a sorti en niaisant, là, tu sais. C'est la bière qui commence à me monter à la tête. Bon, c'est pas pour tuer ni gaspiller, effectivement. Non, c'est ça. C'est pas les tuer et les crisser dans le fleuve, là. Ouais, c'est pas comme, hey, open season au parc Michel Chartrand, vous allez pouvoir tuer autant de chevaux que vous voulez. Let's go! Ouais. Non. Mais je comprends que ça suscite des... tu sais, c'est ça. Mais moi, je suis une personne très pragmatique. Non, c'est pas le bon terme, mais efficace, t'sais. Ouais. Puis moi, je suis très pro-animal, par exemple. Fait que ben, celui-là me dérange moins, là, mettons. Là. C'est Chris, là. Mais tu fais quoi? Pourquoi ils vont les abattre comment? Avec un slingshot, genre, pour pas que ça soit dangereux pour la population? Ou, oh, ben, ou ils vont revenir en arrière là. Avec une corde? Genre... D'après moi, c'est le pipeau, là. Comme... Le pipeau! Avec une seringue, là. Qu'une fléchette qui en dort. Tombé sur le côté. Exact. Et là, il leur pète le cou. Exact. Ça me prend un ninja en maître, tu sais, pour qu'il va genre leur snapper le goût. Le cou. Le goût. Ouais, quand t'es-tu de même, I guess, la viande est plus tendre. Ah, il dit qu'il ferme le parc. Ah, ok. Ah, ok. Je sais pas, j'avais juste la pause. Quand tu vas être couché, tu vas entendre. J'avais juste dans la tête la pause des Avengers quand ils sont comme, mais on pourrait aller dans le temps et voir bébé Thanos, puis je vais l'étouffer, là. Exact. Oh my god. Fait que. À l'arc peut-être ou tranquillisant. Ah ouais, à l'arc. Ah ben, j'avoue que c'est facile. On pourrait-tu avoir ici comme invité le gars qui est mandaté de tuer des chevreuils à l'arc au parc Michel? C'est malade ça comme job. Chris, il nous écoute, on va l'inviter certain. Il est dans le chat, genre. Hey. Très intéressant. Il y a pas tant de questions. D'après moi, on est capable de toutes les faire. Là. Bon, ben allons-y. Fait qu'on serait couvert de A à Z. Fait que, on a-tu répondu finalement à ça? On est-tu pour ou contre? Je suis pas contre. Ben, je suis pas contre, mais je suis pas pour. Si c'est fait dans un. S'il n'y a pas de but en arrière et qu'il n'y a pas de problématique, là, il y en a une. Puis en plus, la solution va amener une solution à un autre problème qui est la bouffe. Fait que, ben, si oui, c'est tout analysé de tous les côtés, bien comme faut, et que ça amène des solutions optimales à tout le monde, tu sais. Puis que. Mais tu sais, si c'est genre, on va sauver de l'argent. Pour juste un petit peu plus cher, tout le monde pourrait, ces animaux-là pourraient vivre heureux ou whatever. Ouais, ouais. Ouais, faites-les vivre heureux, là. T'sais, mais si c'est à cause des hosties de dommages pour vrai, puis c'est dangereux, la flore, t'sais, j'en ai aucune idée. Donc, comment tu choisis lesquels? En tout cas, il y a bien des questions par rapport à ça. Ah ben là, faut que tu connaisses, là. Tu leur vois d'en face, là. Ah, là, ouais. C'est un poké, ça. Ça. On va le tuer. C'est un tout croche, lui. Jason Fleury. Allez-vous vous procurer une analogue 3D? Est-ce que vous pensez que les jeux vont être plus beaux puisque la 64 n'est pas très bien vieillie? Bon, on a parlé énormément en début de show. Est-ce que ça va être plus beau, par contre? D'après moi, ça va être pas mal, la même maudite affaire. Ouais, mais en meilleure qualité de rendu. Ouais, ça va être moins flou, peut-être, mais autant polygonal. Exact, mais ça peut pas régler rien, là, tu sais, mais... Je suis quand même très tentant encore de l'acheter, mais tu sais, ça je te dis, genre, analogue, Vectrex, je sais pas. Les deux, GF. Ouais, avec mon gros salaire de gorille. Riche, ben oui. Le Mad Crumb Money en plein effet. Mais moi, je pense que ça va améliorer un peu quand même et ça va être nettement supérieur à si tu branches une 64 avec convertisseur. Là. Mais puis ça va être du 1 pour 1. Ça va être la façon la plus optimale de jouer à 64. Puis ça sera pas émulé. Ça va être vraiment la machine qui va outputter du HD. Exact. Même si ça n'a pas été bâti pour du HD, ça va rester du 4.3 dans du HD, mais du beau 4.3. Là. Oui, ça va être parfait. Quand on a fait le Garden Party, là, les images qu'on avait prises venaient pas d'un analogue, mais c'était quand même... Ça venait de quoi, au fait? C'était Kevin qui avait une patente de convertisseur qui l'amenait à HDMI, justement, puis c'était très crisp qui sortait, là. Ah, c'était-tu un Meister? Je pense que ouais. Parce que le Meister aussi est une solution plus compliquée. Tu regardes les images de Wave Race, puis c'est super sharp là, dans le stream. Là, ouais, c'est ça. Pas le stream, mais dans la vidéo, c'est très beau. Là. J'avoue. Fait que très intéressant. Julien Leroux-Garot. Je n'ai pas de ligne directe avec Dieu pour me procurer du dégommeur. A-t-il un sous-traitant où je pourrais m'en procurer? Hey, c'était précis, ça. Ça, c'est en référence au deuxième vidéo de nettoyage que j'ai fait sur le TikTok de Retro de Retro MTL. Ouais, ils sont cool, tes vidéos. Ouais, le premier est rendu à 42 000 views. Ah, oh, wow. Où est-ce que j'ai... Très bonne idée, là. J'ai nettoyé un GoldenEye 64 qui était crissement en salle. Puis là, j'ai nettoyé un jeu de PS2, donc il fait référence à ce vidéo-là. Puis je veux en faire un, je me dis, à chaque deux semaines. Ah ouais, c'est bon. À chaque semaine, je veux faire un TikTok pour Retro MTL pour maintenir le TikTok. Puis à chaque deux semaines, je veux que ça soit un vidéo de nettoyage. Ouais, c'est cool, ça. Fait qu'à chaque fois qu'il y a de quoi de sale qui rentre ici ou que je me dis que ça ferait de la bonne TV, je le mets de côté. Puis. Moi, j'ai tellement ri. Tu mets ton dégommeur, puis après ça, t'es comme sur le bord de la fenêtre, à le bord du café. En train d'attendre. Moi, c'est trop ça drôle. Là. Donc, je parle dans mes deux vidéos du dégommeur comme un excellent produit qui est capable d'enlever à 80% les 80% des marqueurs qu'il peut y avoir sur les cassettes se fait enlever par le dégommeur parce qu'il y a des marqueurs qui sont hyper imprégnés puis c'est trop vieux puis on n'y arrive pas. Ouais. Là, rendu là, il faut que tu pognes un effaceur magique puis que tu râpes ta cassette là, quasiment. Fait que ça, c'est extrême. C'est la dernière chose à faire. Mais le dégommeur enlève bien des choses. Alors, c'est une bouteille bleue. C'est disponible au Canadian Tire et dans toutes les bonnes quincailleries qui tiennent des produits. Donc, c'est pas un grand secret. Il y en a vraiment un peu partout. Pour la N64, il y a Domaine 123 qui dit que les SCART Converter aussi font ce job-là. Ah, bon. Ben, voilà. Pat Larour. Salut, j'ai une question qui me turlupine en intervalle depuis 40 ans. Je n'ai jamais cherché sur Google car j'attendais un grand moment pour poser la question. C'est ce soir. Nice. Ring King au NES. Les boxeurs reçoivent-ils des fellations entre les rondes ou non? Est-ce que j'étais trop horny à 10 ans? Donc, tu peux sortir la vidéo, JF, sur YouTube. Ça fait référence à un jeu de boxe qui s'appelle Ring King sur NES. Tu veux voir le gameplay ou tu veux voir les fellations? Gameplay, le gameplay de fellation. On va voir, là. Puis, mets ça. Et puis, peux-tu mettre full screen? Tant qu'à voir des fellations. Donc, c'est ça. Ce jeu-là, entre les rounds, t'as comme un jeune qui il a de l'air d'un jeune, tu sais, comme qui te soigne là, avant ton prochain round. Puis, de la façon que les personnages sont placés, on dirait qu'il fait une fellation. Fait que là, c'est devenu une joke. Ah, ça, c'est... Y'a-tu gagné le match? Ouais, OK. Ça te prendra un round, là. Fait que... voilà. Fait que ça, c'est devenu une joke sur Internet. Alors, Pat Larou, il demande si c'est vraiment ça. Et puis, c'est bien sûr, c'est sûr que c'est pas ça. Mais en même temps, on n'est pas dans la tête des programmeurs de cette époque-là. Hein? Ils sont plus loin. Hein? Ah, mais là, c'est parce que le gars, il est trop bon. Il fait juste péter le monde comme un hostie de malade. Mais si tu recules... Attends, revenez, moi, je vais chercher sur YouTube direct. Cherche, puis moi, pendant ce temps-là, je vais répondre à d'autres mondes. Benjamin Gazaille. Croyez-vous que la PS1, PS2, OG Xbox et GameCube vont avoir droit au traitement analogue? Très belle question. Écoute, ça va être quoi la suite pour analogue? L'as-tu, là, la fellation? J'ai genre tapé « Ranking Nest Blowjob ». Ouais, c'est ça, mais là... En fait, j'en ai plein, là, ici. Mettons lui... Il y a une musique. Ah, il y a une petite musique en plus. Je vais l'enlever, là. OK. Gay porno. Avec, ça, avec une toune de Carnov qui part. Ah, tu l'avais, là. Regarde. On dirait, on le voit, là. On dirait que tout le monde reçoit une fellation, là. Qu'est-ce qu'ils font? On peut se dire qu'ils gossent les gants, là, je sais pas quoi. Ou il y a juste la ceinture, je sais pas. Mais voilà. Alors, c'était ça, le segment. Donc, est-ce que c'était des fellations? C'était voulu? Il y a un jeu de fighting aussi, qu'à un moment donné, on dirait que tu te fais faire une pipe par un hobo dans une ruelle. Mais je me rappelle plus c'est quoi, là. C'est déjà recherche, là. Mes références sont loin. S'il vous plaît, trouve-le. Ouais. Je reviens avec ça la prochaine fois. Go Light dans le catch, je dis, ça me le prend, le jeu. Écoute, t'es bien chanceux, c'est un jeu qui vaut 5$, bon. 5-10$, fait que c'est à portée de tout le monde. C'est pas cher pour être un peu kinky. Tu peux regarder sur le site de Retro MTL, peut-être qu'on en a un. Fait que pour... Tu viens de faire deux ventes là, avec cette vidéo-là, tu vois. 10$. Exactement. Ah ben voilà, tout le monde le veut à cette heure. Achetez tout ça. Benjamin Gazaille, comme on dit, c'est quoi le prochain plan pour Analog, en fait? Ah, ben ouais. Là, toutes les cassettes sont faites. Ils vont pas faire un Virtual Boy, là, tu sais, on s'entend. Non, mais comme dans le chat, ils disent, s'ils font une PS1, ils l'achètent. Ils pourraient faire une console qui lirait tous les jeux CD, ça marcherait peut-être pas, là. Tous CD de toutes les compagnies, non, mais moi, s'ils faisaient... Tu sais, moi, mettons, PlayStation 3, 2, 1, j'achèterais ça tout de suite. Ah, moi aussi, moi aussi. Puis il y a une fat PS3, la première, là, la Backward Compatible, elle fait ça, tu sais. Mais c'est une grosse machine, tu sais, puis tu sais jamais quand est-ce qu'elle va lâcher. La mienne est morte 4 fois, genre, quand je l'avais, là. C'est ça. Fait que si Analog fait... Puis parce que je pense que PS 1, 2, 3, 4, 5, ça commencerait à être tough. Ouais, non. 4 et 5, c'est une autre affaire. Même 3, à la limite, je suis pas sûr, là. Ouais, c'est ça. 3, c'est... 1 et 2, c'est assez comme... Ça ressemble un peu plus, là. Oui. Ça serait facile, je pense. C'est une PS2, au final. Ouais. Fait que... Mais s'il était capable de faire 3, 1, 2, 3... PS2 qui a pas de HDMI, mettons, là. 1, 2, 3 et lecteur DVD Blu-ray, mettons. Oh, là. Wow. Imagine. Ben oui, pour des films. Ben oui, là. Ben oui, esti. Ça, j'achèterais ça. Moi aussi. Day one. Puis ça me pousserait à acheter des... Parce que aussi, il faudrait que ça soit toutes les régions. Fait que ouais. Moi, je déguerais dans les jeux japonais PS1, PS2, tu sais, comme... Parce ça dans me rétro, donnerait le goût. Même le PS3, ça me... On me repognerait Vanquish, tu sais. Dans le PS1, dans le PS2, on va pas souvent dans ces eaux-là, dans les affaires rétro qu'on critique ou qu'on joue. Non, parce que j'explore pas ces machines-là. Moi non plus, puis genre, je l'ai pas porté de main non plus. Ben, je l'ai chez nous, mais j'ai un plugé, là. Fait que ouais, c'est ça. J'ai tout ça, moi aussi, mais... J'avais une PS1 modée à l'époque, là. Mm. Mais ouais, Xbox, mais oui. Xbox 360, ça Xbox. Serait nice, Xbox One, tu sais. Ou mettons une qui fait Xbox original, Xbox 360, PS1, PS2. Là, t'es comme, oh shit. Hey man, t'imagines-tu, esti. Ouais, ça, ils vont vendre quoi? WonderSwan, genre, je sais pas. Ah ouais, ben moi, je rêve aussi de Atari Coleco Intellivision. Avec une manette à clavier. Ah, c'est une malade. Bonne, propre manette à clavier ouais. Qui a de l'air d'une manette, genre. Hey, ça serait fucking épique, là. J'avoue, hein? Eh oui, mais en même temps, qui veut jouer à ces jeux-là? C'est un nous peu autres, mais c'est pas tant non plus, là. Genre, non, c'est ça. Plus pour l'avoir que de jouer. Puis je pense qu'ils doivent... Ils n'ont pas de l'air d'en vendre tant que ça des Analog Duo pour le TurboGrafx-16 PC Engine parce que c'est la seule qui est encore disponible. Ben, il y a de la Pocket parce qu'il y a un reprint, la reprint. Mais la Duo, j'ai comme l'impression que c'est un slow seller. Ouais, ouais. Et puis, c'est crissement plus niché. Là. Fait que s'ils font Atari, tout ça, c'est niché en maudit. Là. Fait que je suis vraiment pas sûr. Puis Atari, ils font déjà une bonne job avec leur console Plus. Fait que c'est ça. Mais c'est sûr, comme dit Blastman, la prochaine, je sais pas c'est quand on va le voir, ça va être ça. Ça n'a pas le choix avant d'être qu'il y ait une prochaine, des disques, d'après là. Moi, il va y avoir une nouvelle Analog 64 transparente, verte fluo. Hey, ils vont faire la série fantastique, man. Ouais, ils vont toutes les faire. C'est sûr. La Jungle, la Orange, c'est la Grape, sûr. La Purple. Peut-être qu'ils vont faire une Atomic Purple, la Glacier. Ils seraient fous de pas le faire, en fait. Exactement. Là, rendu là. C'est sûr qu'ils vont le faire. Puis peut-être que 8BitDo va sortir des manettes Atomic Purple. Ah ouais, ouais. Tu sais, ils devaient. Tout ça est à venir. Ils vont faire des tonnes d'argent. Fait que j'espère juste qu'ils vont réutiliser cet argent-là en développement. Ouais, ouais. Pour être capable de faire nos belles PlayStation que tout le monde veut. Sega Ages sur PS2 en Japon. Domaine qui dit, il aime ça. Sega Ages. Ah oui, j'ai vu ça passer. Japon aux aises. Il l'a aussi sur PS2, mais il me semble que j'ai vu Sega Ages disponible sur Saturn, japonais seulement. OK. Fait que c'est une genre de compil, je crois. Laurent Larry, ça a l'air d'une bonne bouteille, ça, en parlant de notre Porto. On le sait pas. Mais il préfère le Gaviscon. C'est vrai que le Gaviscon, c'est plus performant au niveau du débrûlement d'estomac. Moi aussi, je trouve. Ouais, c'est un peu plus fort, je pense. Aussi. Ouais, ça coûte le double du prix aussi à la pharmacie. Est-ce que je m'en dis à quoi? J'ai dormi comme, tu sais, semi-assis cette semaine, parce que j'avais pogné un petit rhume. Fait que des fois, je me lève un peu pour être le nez bouché en dormant. Tu sais, j'ai pogné un brumette de d'œsophage puis de gorge d'ennui. J'allais me prendre des Tums, justement. Ouais. Puis là, je me suis tourné, puis j'ai eu un genre de rot de brou, là. Ah oui, ah oui. C'était fou, là. Ouais, c'est ça que ça fait. Ça a comme stallé là. C'est comme, oh, je suis rempli de mousse dans moi, là. Ah oui, c'est ça. Drôle de feeling. C'est fantastique. Aparté. Exact, c'est sur Saturne, ouais. Ouais, c'est ça. Ah, une Saturne, genre. Remake. Ah, non, ouais, non. Ben, ça serait hot. Ouais. Ben, faudrait que ça soit autre chose. Saturn, Dreamcast. Ça va pas être juste Saturn, ouais, ça. Dreamcast. Ouais, Dreamcast, ouais. Ben, Dreamcast, Saturn, ça serait joli. Ils vont-tu faire la petite manette de Dreamcast que tu rentres le ouais, tu rentres le truc. La petite manette dedans, là. Ça serait pas pire. Je sais pas s'ils vont. Je pense qu'ils feraient plus d'argent avec PlayStation. Ouais, clairement, là. Ouais. Stéphane Talbot. Salutations, DomiGF. Dans toute votre expérience de joueur, quel jeu se rapproche du gameplay parfait? Et Dom, hey, tu dis préférer Ice Hockey à Blade of Steel? Pourquoi? Je vais répondre à ça tout de suite parce que je trouve qu'Ice Hockey, c'est vraiment plus arcade. Puis tu sais, t'as un t-shirt Blade of Steel en ce moment. Puis j'ai un t-shirt, en effet, qu'un de nos amis faisait à l'époque. Mais Blade of Steel, je trouve ça clunky, ouais, tu sais, puis c'est très comme... puis ça parle trop, puis... Tu sais, Ice Hockey, c'est responsive, ça répond, tu sais. Puis tu pitonnes, c'est right là. Puis tu choisis tes affaires, puis c'est cute. Puis tu snaps. T'as énormément. Quand tu maîtrises un peu Ice Hockey, puis tu te mets à pitonner, puis à être bon à Ice Hockey, c'est... Tandis qu'à Blades of Steel, tu peux comme jamais vraiment être si bon que ça. Ça, c'est tout le temps fat, tu sais, puis égal. Fait que moi, je trouve ça vraiment. Il y a beaucoup plus de possibilités à Ice Hockey, gameplay crissement plus plaisant. Ouais. Sinon. Gameplay parfait, c'est dur à dire, là. Ça dépend du style de jeu, tu sais. Exact. T'sais, puis qu'est-ce qui définit un gameplay parfait? Cuphead est un gameplay parfait, selon moi, là, de run and gun de ce genre-là. Là. C'est vrai. Sinon, Mario World. Là, c'est... On y revient. Turtles in Time. Ah, c'est les classiques, là. C'est Snappy, là, c'était parfait. Ninja Gaiden 3 au NES, c'est ce qu'on Sean aime. Sean Palmer Pro Snowboard au PS2. Ouais. De la série Activision O2 est un des meilleurs jeux de snow ever, le gameplay parfait. Bon ben Chris, tu veux la référence qui vient de te dropper là? Ouais, je m'attendais pas à ça en effet. En voilà une coupe. Charles Porter. Mangeriez-vous de la tire sur la neige à Laverlochère? Ah, Astrobot, oui. Oui, Corben Dallas dans le chat, il a raison. Astrobot a un gameplay c'est parfait. Ben oui, sauf si c'est la neige qui vient du parking du marché Neveu Bonichois. Pour la référence de bande neige, écoutez les épisodes de Retro Nouveau. Allez voir les archives sur Young Media qui roulent. D'ailleurs, Dom, maintenant, les podcasts Papa Cassette sont sur les archives aussi de Young Media. Entrelancés à travers. Donc, j'appelle ça les archives-retro-nouveau/chez-papa-cassette. Puis c'est tout ce qui parle de gaming roule. Non-stop chez nous, ben, sur Twitch. Là. Nous autres, on donne ça au Québec. Ben oui. Chris. Tout le temps, 3-4 personnes qui écoutent. Là. Ben oui, ben j'espère. Et ça serait le fun qu'il y en ait 10, 20, puis ça 100 à un moment donné. Juste à rouler de même. Ben, parce que c'est du bon contenu, guys. Puis je pense qu'il y a du monde en France qui écoute, parce que je regarde les stats, puis il y a des spikes genre dans la nuit. Ah ouais, ça se peut. Ça doit probablement être ça. Là. C'est absolument. Très cool. C'est énormément de contenu, de 10 ans. C'est ce qu'on a fait du contenu. De 13 ans, en fait, je pense. On n'arrête pas d'en produire du stock, là. On est là, c'est-tu. On lâche pas. Mais il y avait une deuxième et vraie question, okay. Charles Porter. Il dit, plus sérieusement, est-ce qu'il commence à y avoir un engouement pour les jeux PS3? La console aura bientôt aura 18 ans en novembre. Ah, pour la vente, ouais. Ben, au niveau de la vente... Je comparerais la PS3 au Xbox 360 au sens que c'est ce que le monde nous rapporte le plus. Comme des bacs, puis des sacs pleins. Ouais. Fait que bien sûr, ici, ça en accumule beaucoup, là, des jeux très communs là, de ces consoles-là. Par contre, en unité, c'est dans les tops à chaque mois qu'on vend. Parce que c'est pas cher. Ouais, ouais. Puis les consoles PS3, man, on en vend, là. On n'est pas capable d'y tenir. Ah ouais. On en vend plein. Surprenant, OK. Tous ceux-là qu'on a, on les vend automatiquement. On les vend tout le temps. Ah, ouais. Fait que moi, je trouve que la PS3, Je suis plus familier avec celle-là parce que j'ai jamais eu de Xbox 360, mais la Xbox 360 est une excellente console. Ouais, ben oui. Mais la PS3, moi, j'ai eu ça, puis je trouve que c'est une très bonne console à avoir pour les gens qui sont un peu plus sur un budget présentement, ouais. Parce que ça coûte 100-120$ qu'on vend ça. Et puis, il y a plein de jeux pas chers. Ouais, il y a une très grosse librairie, la PS3. Là, ah, bien. Énorme. Puis, c'est beau, là, un jeu de PS3. Il y a des bons jeux, là. Ben, il y en a plein des bons jeux. Il y en a des tonnes de bons jeux. Tous les jeux récents que le monde trippe dessus, il y a tout leur équivalent sur PlayStation 3. Là. Tu veux jouer à God of War? Joue à God of War 3 sur PS3, ben man. Oui. C'est fucking propre. Là. Tout est là, man. Les jeux de guerre, les jeux de course, Need for Speed, whatever, c'est propre. Là. La fois qui gosse au niveau de la collection, quand t'arrives à partir de la PS3 et de la Xbox 360, c'est qu'il y a un paquet de jeux qui sont digital only là, que t'auras pas. Ça, c'est vrai. Que jamais. Il y a plein d'affaires qu'on pourra pas rejouer. Là. Mm. Il y avait un jeu de PS3 Pain, là, que tu avais un slingshot, tu garochais un gars tout mollasse. Comme ouais, je me rappelle. Je le prendrais physique, ça, s'il l'avait. Là. C'était très bon. Là. Les God of War, c'est un reboot sur PS4. Oh. Ah. Ben non, mais il y a plein. Il y a des God of War PS3. Il y a des God of War Collection. D'ailleurs, les collections Ratchet & Clank Collection. Ah, c'est bon, Ratchet & Clank. Infamous ouais. Collection. Ouais, ouais. C'est tout des excellents jeux, ça, là. Tu sais, mais man, il y en a. Il y en a des tonnes. Fait que, je te dis pas qu'il y a un engouement au sens que les gens se garochent là-dessus. Mais tu sais, on vend énormément de consoles Wii aussi. Fait que, bref, au niveau de la vente, c'est une très bonne console budget. On en vend des tonnes. C'est du rétro pour les gens plus jeunes, dans le fond. Parce que nous autres, notre rétro à nous est plus loin. Il est plus NES, FNES. Le monde qui a commencé avec la Wii puis la PS3, c'est leur console de jeunesse. Ouais. Mm. Le temps avance malheureusement, fait que le monde sont en position d'acheter du stock maintenant. Les plus jeunes vont racheter leur jeunesse peut-être, je sais pas. Mais je le sens pas ça en magasin. Okay. Okay. Je sens que les gens qui achètent ces machines-là, ils jouent à ça régulièrement. Okay. Ils se pognent un jeu puis ils jouent. Okay. Comme normalement, comme n'importe qui jouerait une PS5, mais eux, ils jouent au Xbox 360 ou à PS3. Okay. Fait que et la PS4 aussi. Présentement. Énorme engouement pour la PS4. Je pense d'ailleurs que c'est parce que GameStop ont cessé de les prendre, les jeux use de PS4. Alors, go GameStop! Bravo! félicitations! Fait que parfait, fait qu'on va ramasser ce marché-là à ce temps-là. Fait que venez chez nous pour vos jeux PS4. Man, on en vend tellement, on n'arrive pas à en tenir. On n'arrive même pas à remplir un rack, esti. On a genre 3 rangées, puis la tique, là, tu sais, le PS4, ça fly automatiquement. Ah ouais. Fait que c'est des bonnes machines pas chères pour tout le monde, là. Puis Xbox 360 aussi, on en vend des tonnes. Fait que voilà. Ah, c'est Xbox 360, les serveurs sont down. Là. Ouais, c'est ça, ça vient de fermer, ça, je pense. Ah non, ça fait un... Non, je sais pas du tout, en fait. Je suis tellement mélangé quand le monde en magasin me pose ces questions-là. Surtout quand il me pose savoir, je veux acheter tel jeu, y est-tu rétro 360, y est-tu rétro compatible au Xbox OG? Rétro compatible sur ma One, là. Je suis comme ah non, man, tu vas encore me faire sortir mon téléphone puis chercher comme un petit malade. Oh non, j'haïs ça. David Bizarillon qui vient de se joindre alors qu'on s'en va. Ah, depuis le 1er septembre que Xbox 360 est fermé. Hey, ils ont gardé ça longtemps, pareil. Là. Salue David. Salut David. Ben anyway, on finit. Fait que on a terminé. Patrick, beau séjour. JF, as-tu fermé ta piscine? Non. Mais qu'est-ce que t'attends? J'attends qu'ils se fuckent pas dans leur calendrier, mes gars de piscine. OK, mais ils sont commandés, les fermeurs de piscine. Oui, ben j'avais écrit comme en septembre. Pouvez-vous venir genre le 8 octobre? Elle m'a dit alright, oui, c'est booké. Puis là, la semaine d'après, il était pas venu, je lui ai écrit, hey, m'avez-vous oublié? Ce que je me suis trompé, j'ai mis le 28 et non le 8. On venait le 21. Puis là, le lendemain du 21, j'ai écrit, ben, vous êtes pas venu encore. Il dit, ah, excuse, le gars, genre, le gérant avait changé la date avant que je la change. Ça va être vendredi. Mais elle dit, que t'as pas 20 semaines? Je suis comme, ben, c'est pas de trouble, genre, elle fait pas de problème. Au moins, ça me prouve qu'elle ne coule pas présentement, tu sais. Ouais. Pendant que je m'en sers pas, elle coule pas, là. C'est ça! Fait que là, c'est après-demain. C'est après-demain, ça va se farmer. Ça va bon, ben. Puis je vais faire mon terrain et ça va être prêt pour l'hiver. Bon, ben Chris, parfait. On pourra aller jouer au hockey dessus, ben si, ouais, quand t'en vas pas gagner en glace. Dedans, là. Elle baisse beaucoup de niveau, là. J'enlève l'eau, là. Fait que c'est, ah ben, on va en remettre, puis on... on va en remettre, on va le faire geler, on va tout casser le tuyau, puis on va jouer au hockey. Parfait. Et puis, pour finir, Pascal Reeves, leg drop ou figure four? Ben là, c'est pas à me faire pantoute, là. Ouais. Un figure four, ça peut faire très mal, by oui, the way. Oui, hein, ça. Moi, ça me, quand Greg the Hammer Valentine en faisait dans le temps comme finisher, ça me terrorisait. J'étais comme, oh my god, les gens ont tellement de l'air de souffrir. J'étais petit, là, tu sais. Quelque chose secondaire, genre, quand on faisait de la lutte backyard avec un de mes amis, genre, avant d'aller à l'école, genre, on se faisait des figure four chez nous pendant comme une demi-heure, genre, sans arrêt, là. Ah ouais, ouais. C'est faire des soumissions parce que qu'on se faisait mal, là. Ah ouais. Leg mais drop, ça fait mal, là. Ah, ça fait mal. Surtout si tu mets, genre, la faut-tu montrer la jambe ici, là. C'est si ça. Si t'as monté en haut du genou, là, asti que ça peut faire mal. Genre. Ah, c'est ça. C'est dès ça. Que tu mets de la pression, là. Ouais. Là, t'as le figure 4 puis t'as le figure 8, là, que Charlotte Flair fait, là, qu'elle se tourne sur le ventre, puis ouais. Elle lève, là. Ouais, ouais. Comme ouais, une version ouais. Améliorée de son père, là. Ok, ok. Mais leg drop, ça peut faire mal si tu tombes assis sur la face du gars. Là, c'est... Ouais, ouais, ça, c'est un accident, techniquement. Ouais, là, ouais. C'est pas supposé. Mais t'es pas sûr de faire mal avec une leg drop. Ça a pas de l'air de faire mal, les leg drops, là. D'habitude, si c'est ce que tu fais, tu fais pas mal à l'autre. C'est le pli de la jambe qui arrive dans la face du gars, fait que techniquement, il touche pas. Figure 4, normalement, ça devrait pas faire mal à l'autre non plus. Là. Ouais, non, non, non, mais... C'est... Mais ça peut faire très mal, mais dans un match, figure 4, je te dirais. Ouais, c'est ça. Comme ça, le gars, il peut pas sauver, puis tu sais, tu tiens après les cordes là, quand l'arbitre regarde pas. Là. Technique de méchant. Malade. Wow. Fait que ça conclut. Ça conclut. J'ai chaud, je suis fatigué. Ah. Très gros journée. Ah. Ouais. Fait que... On va voir pour le prochain épisode. On aura un invité, apparemment. Ouais, qui l'a appris pendant le show, qui serait sur le show. Il a appris ça en les écoutant. Hey, c'est le même avec Papa Cassette. Il a juste pitché des affaires partout. On fait des affaires dans l'univers, puis ça se passe. C'est ça. Fait que, faudra se préparer un petit peu, hein, quand même. Mais attends-toi pas à beaucoup de préparation, mon cher. Ah non, on va jaser très lousse, là. Exactement. Je vais poser des questions très, très. Quand ça rentre, très chez les. Je sais pas. Je vais essayer de m'incruster dans les affaires, tu sais, les affaires que tu vas être gêné de parler, là. L'argent, l'impact sur ta famille, des affaires. Le nombre de ruptures que tu as eues à cause de ton codage de soir. Exactement, tout ça. T'es-tu devenu alcoolique, puis t'es-tu arrêté d'être alcoolique? Affaires, non, là. Mais ça va être intéressant parce que il me semble que genre Sablon est scénariste, puis elle a l'air de scénariser les jeux, puis il y a quand même de quoi à parler, puis. Ça, là. Moi, je peux être dans le trait technique sur le Pico 8 là, parce que je suis un peu comme ça marche. Fait que ça peut être très cool pour vrai. Ben, parfait, man. On veut de la variété. Fait que ça va être bon. Je pense qu'on faudra valider avec lui s'il aime la bière. Ben. Et on pourrait peut-être acheter un Doritos aussi. Parce que là, on est out de bière. Là. Ah, pour vrai, on fait qu'on va être obligé de prendre notre argent. Le frigo est vide. Durement gagné. En fait, votre argent là, que vous nous envoyez. Exactement, pour acheter de la bière. Fait que là, je pense que je vais prendre juste de la Big Ten puis des Bowl Max pis à 12%, très sucré. La mousse, une kick, plein de café, là, qu'on soit bien réveillé. Là. Exact. Ou juste du Rev. plein de frigo. Juste des bouteilles de Rev. On verra bien. Il reste juste du Porto. Effectivement, il reste du Porto. Juste du Porto. C'est bien vrai. Fait que on va voir à ça. Sinon, merci aux Patreons de nous encourager, bien sûr. Merci aux professeurs pour le 3US, Mikael Goulas. Merci aux gens dans le chat qui ont été très actifs ce soir, encore une fois. Super cool d'avoir ça pendant qu'on on a une parle. Belle participation dans le J'aime chat, beaucoup, je trouve. Ouais. Le monde y parle beaucoup. C'est vraiment le fun. Alors, merci d'être là, Corben, King Nadera, tout le monde. Une belle gang vraiment. De récurrents. Puis souvent, des nouveaux qui passent. C'est très le fun. Là. Ouais. Ouais, David Bizarillon, t'es un peu déçu, man. C'est pas grand rediffusion sur YouTube direct. Puis aussi, ben là, c'est comme ça donne rien de le dire. Les gens qui vont l'écouter en audio, ils vont être réparés. Ouais, ouais, ben ça finit par. On rappelle que c'est encore la faute du serveur d'archive.org qui est down à cause d'une attaque de serveur. Là. C'est hors de notre contrôle en ce moment pour la version audio. Absolument. Et puis, bonne chance, Go Light, avec les échardes. Ouais. Sur ton lieu de travail. Les congélateurs en bois. c'est du nouveau lore pour le show. Fait que merci à tous, merci JF. Ouais, ben merci Dom. À bientôt. Bye. C'est moi, Pano. Attends, comment ça? Bye tout le monde. Bye.